S'il y a des questions, vous posez des questions. S'il n'y a pas de questions, on entre dans la parole. Si on entre dans la parole, n'interrompez pas. Même si vous, à ce moment-là, la question vous brûle, vous patienterez jusqu'à la fin. Donc, il laisse soit à l'entrée, soit à la sortie, à ce qu'on pose des questions. Posez toutes les questions qui vous viennent à cœur. Toutes les questions qui vous viennent à cœur. Nous comptons sur le Seigneur. Et pendant que vous méditez, que le Seigneur vous bénisse. Tu avais des questions, non, mon cher? Pose-les maintenant, alors. Bonsoir, bien-aimé. Trop de questionnements, mais ne t'inquiète pas. Tu es sur la bonne voie déjà, d'accord? Bon, c'est vraiment aussi, il m'est arrivé de vous poser cette question. Pourquoi Jésus-Christ est blanc? Et la plupart du temps, quand il faut attirer le diable, c'est le moment qu'on a tout. Bonne question. C'est la première question là-bas. Si, je réponds à ça avant que tu poses d'autres questions, ou bien tu poses toutes les diverses fois. C'est la même question. Ah, ok. C'est que Jésus-Christ, il est lui et nous. C'est lui et blanc. Tu as ta Bible? Oui. Ok. Si tu veux poser toutes tes questions, pose-les entièrement. Soit tu poses, ou bien tu poses au fur et à mesure que je réponds. Donc prends ta Bible, on va répondre avec ta Bible. Donc vous avez suivi la question là-bas? Non. Deux volets. Pourquoi Jésus-Christ est-il blanc? C'est ce que la question que le frère l'a posée. Deuxième question. Pourquoi lorsqu'on associe toujours le diable, on associe au noir? On est d'accord? Ok, non, frère, assieds-toi parce que maintenant on peut répondre en étant assis. Ok. Lève ta Bible alors. Lève-moi ta Bible. Je veux voir que c'est vraiment la Bible que tu as pris. Ça pas peut-être le Coran ici. Ok, maintenant. Voilà, c'est bon. Donc, ça, c'est la Bible. Montre-moi là où c'est écrit là-bas à l'intérieur que Jésus-Christ est blanc et puis je te réponds. Il n'y a pas de passage. Eh bien, dans ce cas, d'où est-ce que ça sort que Jésus-Christ est blanc? Dis-moi donc, frère. Parce qu'il ne faut pas qu'il réponde aux questions qui n'ont pas de sens. Je recommence encore. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est blanc? Qui a dit cela? Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'au quartier, on dit que. Laissons le quartier, entrons dans la Bible, là où ce Jésus-Christ est censé se révéler. Où est-ce que c'est écrit qu'il est blanc? Moi, je ne tiens pas compte de ce que disent les autres. Oui. Je tiens compte de ce que moi, j'ai eu. Je pense que ce que j'ai eu à voir. Non, tu as été influencé tout simplement parce que tu ne sais pas d'où on dit qu'il est blanc. Oui, tu as été influencé, n'est-ce pas, frère? Le film de Jésus t'ont traité. Ah, ouais. C'est le film. Le film de Hollywood, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui t'a trompé. N'est-ce pas? Donc, est-ce que normalement, Jésus-Christ est blanc? Ok. Ou bien, je vais reposer la question autrement. Y a-t-il un être humain blanc? Tu vois que ça n'a pas de sens, pas vrai? Regarde la peinture qui est derrière toi. C'est quelle couleur, frère? Tu as vu quelqu'un comme ça? Donc, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas blanc, pas vrai? Hein, frère? Donc, il n'y a même pas de blanc sur la terre. Ok, ça règle le problème. Répondons pour le diable. La même question subsiste. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que le diable est noir? Tu connais le nom de ce monsieur qu'on appelle le diable? Son vrai nom, c'est Lucifer. Tu sais ce que ça veut dire Lucifer? C'est l'ange des lumières, le porteur du feu, le porteur des lumières. La lumière est noire, frère. Est-ce que la lumière est noire? Alors, d'où sort cette mythologie-là, ces pensées mystiques-là, que le diable est associé au noir? C'est-à-dire que les Africains, ceux de la peau noire, sont des diables. Est-ce que c'est le mal? Ça n'a pas dans la pensée de Dieu, d'accord, mon cher? Alors, non, regardons pour le diable dedans, d'accord? Comment il est décrit? Prends Ézéchiel chapitre 28, et on voit comment il était. D'accord? Donc, je crois qu'il faut répondre ça avec la Bible, pas vrai? Et ça touche la question. Cette question, c'est comment commence à toucher que les Blancs sont venus avec leur culture. Nous, les Africains, nous avons abandonné nos cultures pour suivre la culture des Blancs, que c'est la culture des Blancs. Quand quelqu'un dit ça, présentez-lui la Bible, dit montre-moi la culture des Blancs à l'intérieur. Montre-moi l'avantage. C'est-à-dire que si je suis en Afrique, si moi je suis Bamileke, j'abandonne les idoles. Quel est l'avantage d'un Blanc, comme ils disent? Si j'abandonne les idoles ici au Cameroun, n'est-ce pas? Si moi, j'abandonne les idoles ici au Cameroun, qu'est-ce que ça a à voir avec un Blanc? Les Blancs eux-mêmes, là, ça ne les laisse pas parce que la Bible est prêchée chez eux. Vous savez ici? Donc, j'ai dit quel livre déjà? Prenons la partie du verset 13 là. Verset 13. Comme, il faut que c'est lui-même qui lise. À haute voix, frère. Chapitre, je ne connais pas. Ézéchiel, chapitre 28. Ça va vous apprendre à voir les Bibles qui a 74 chapitres, 74 livres. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. avant qu'on avance. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Tu as vu mon cher? Lisons à partir du verset 13 dans l'eau. Mais toi tu es en robe blanche, pourquoi? Pourquoi tu portes la robe blanche? Tu parles. Ok, donc le verset 23, verset 13. Hein mon cher, pourquoi tu prends la robe jusqu'en bas comme ça, c'est blanche? Ok, vas-y. Il dit que je ne suis pas en robe. Je ne suis pas en robe. Oui. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, entouré de murs en pierre précieuse. On dit que cette personne était en Éden, d'accord? Salomon, Topaz et Jacques. Béry et Pansy, la Sulite, Estabouk et Émeraude. Et l'or d'Anton ouvrager les tambourins et les flûtes. Fut préparé le jour de la création. Toi, le chérubin étincelant. On dit que cette personne s'appelle un chérubin quoi? Quand quelque chose étincelle, ça se pose que ça fait quoi, frère? Comment? Ça apparaît et puis ça disparaît. Ça brille. Le protecteur, je t'avais établi. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu allais et venais au milieu des charbons ardents. Ta conduite fut parfaite depuis le jour de ta création. Jusqu'à ce qu'on découvre en toi la perversité. Par l'ampleur de ton commerce, tu t'es rempli de violence et tu as péché. Aussi, je te mets au rang de profane, loin de la montagne de Dieu. Ok, donc on parle de ce que de la création de la personne de Lucifer, de son œuvre, de son la façon dont il a fait, les différentes choses qui étaient liées à sa création et son domaine céleste dont il occupait, et puis de ce qui a causé sa chute. Où est-ce que tu as vu une tache noire là-bas? Ok, donc ferme donc la Bible. Donc, c'est ce qu'on a dit, que au noir c'est associé, tout ce qui est de mauvais, on associe au noir, d'accord? Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans la pensée du Seigneur ça. Ce n'est pas que tout ce qui est bon, c'est dans la pensée des blancs, parce qu'il n'y a pas de blancs sur la terre. Il n'y a pas de blancs sur la terre, d'accord? Ok, donc, c'est bon. Autre question? Y a-t-il des questions, mes frères? Donc, il n'y a pas de Jésus blanc. Il n'y a pas de Jésus noir. Cette histoire de Jésus noir est venue par la rencontre des femmes que Salomon a eues, qui sont descendues à aller à, vous savez, les premiers rois égyptiens, éthiopiens. Ce sont eux qui ont engendré ces choses-là que vous voyez, les Rastamen, les Rastafirines. Ils croient que les premiers rois étaient Jésus-Christ de Nazareth, la sémence dont parlait la Bible. C'est pour ça qu'ils ont une autre version de la Bible là-bas. Ils disent qu'ils ont l'arche de l'Alliance. Ils ont une autre version de la Bible. Parce qu'ils disent qu'ils sont des postérités juives dont la Bible parlait. Ouais, dans les perspectives. À cause de ce que Salomon a aimé les femmes. On va revenir sur ce détail-là de ces jours, qu'on va parler de la sémence encore. Et voilà ce que ça a engendré. Maintenant, vous voyez, il y a des gens sur Internet qui prêchent que Jésus-Christ était noir. Et ils peuvent vous prouver. Et effectivement, il a raison. Il prouve comme ça le faux. Vous comprenez ça, frère? Vous causez avec un franc maçon, avec un réseau chrétien. Il va vous dire que, où est-ce que Jésus-Christ était entre 12 ans et 30 ans? C'est ce qu'ils vont te poser comme question. Il dit où est-ce que Jésus, vous remarquez bien, où est-ce que Jésus se trouvait? Où est-ce qu'il se trouvait entre 12 ans et 30 ans? Si tu ne connais pas, c'est dans les religions des mystères qu'on peut découvrir cela. Il était en initiation en Égypte. Curieusement, si vous lisez les écrits initiatiques justement, vous voyez que c'est Jésus dont on parle a vécu 130 ans avant le Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est un autre Jésus, dont le grand-père de celui-là s'appelle aussi Jésus. Donc ce n'est pas le Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc on prend les ombres dans la Bible pour coller à un personnage qui n'est pas lié à notre Seigneur. Donc on va venir sur ça lorsqu'on va parler des doctrines New Age et toutes les autres choses là qui sont glissées. Quand un chrétien ne connaît pas ces choses, n'est pas enraciné dans la parole, quand vous vous asseyez devant un franc-maçon, il parle de Jésus, vous pensez que c'est le même Jésus dont il est en train de parler. Ce n'est pas le Jésus-Christ de Nazareth. C'est ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Alors maintenant, quelque chose est de se présenter sous la terre, quelque chose est de venir sur la terre. Quelque chose est en train de venir sur la terre, il veut former une religion qui va avoir des manifestations spirituelles, mais venant pas de Dieu, de New Age. ce sera terrible. La séduction. La séduction. Vous vous souvenez de la marque de la bête? Oui, frère. Je voulais poser une question. Oui. C'est pour ça que nous sommes là, frère. Si vous prenez le transport, nous quittons le monde, vous venez ici et nous posons pas des questions, nous restons comme ça, comme des poltrons. Ça ne sert à rien que nous rassemblions ici. Je veux prendre une lire dans Ézéchiel 28. Oui. À partir du 14 où Dieu disait, que les derniers qui parlent aussi de la Satan, que tu étais dans les jardins de Dieu. Oui. Je demande s'il y a deux jardins de Dieu. Attends. Et on a dit quoi? Attention, regarde la façon dont tu poses la question, c'est pas la façon que la Bible a écrit là-bas. Observe, lis la phrase. Allons-y, lis à votre frère. Allons-y. Tu étais en Éden. Virgule. Oui. Le jardin de Dieu. Absolument, parce que c'est lui qui l'a créé. Donc, ce n'est pas le. On n'a pas écrit le jardin d'Éden de Dieu. Si on dit le jardin d'Éden de Dieu, il y a le jardin d'Éden de Satan. On a dit, tu étais en Éden. Virgule. Le jardin de Dieu. D'accord, frère, c'est différent. Totalement différent. C'est le même Éden que Adam et Ève. C'est exactement là-bas. C'est pour ça que ça scandalise les gens quand ils disent que Satan a fait que le serpent a eu le rapport sexuel avec Ève. Ça scandalise. Les têtes des gens veulent se couper dans le monde entier. On dit clairement qu'il était là-bas. Si vous développez là-bas, on dit clairement qu'il était là-bas. Mon frère. N'en plaise. Vous savez, il y a un frère qui a suivi sur internet ces enseignements-là. Depuis qu'il avait suivi, on avait parlé de moi. Il s'est fâché, il s'est retiré sans avoir suivi. Il n'a pas su que j'ai fait l'enseignement à propos. La dernière fois, quand je lui ai enlevé un lien de l'enseignement, il a dit, frère Junior, il me demande encore que comment ça s'est passé avec l'autre encore. Il dit que n'en parle pas. J'avais déjà dit dans l'enseignement que je ne parlerai plus de cela. C'est en demain, le Seigneur a permis que j'enseigne cela, c'est terminé. Il dit, tu as enseigné comment? J'ai envoyé le lien. Il a suivi un. Comme ça, c'est des exemplaires, deux, trois, quatre, cinq. Il a dit que papa est. Il a écrit papa est. Il me dit, il dit quoi, c'est quoi, frère? Il dit, c'est fort. Il dit, qu'est-ce qui est fort? Il dit que vraiment l'affaire là, je comprends pourquoi les gens ne pouvaient pas accepter. Vous savez ce qu'il m'a dit? Et c'est ça qui est la vérité. Il m'a dit, frère Junior, les théologiens ont tellement perverti les choses de Dieu que quand même si c'est Dieu qui parle en personne, ils vont refuser quoi pour Dieu? Et c'est ce qui est là maintenant. On a tellement, dans la théologie, on a tellement institué des choses. Vous prenez seulement les Bibles d'études, ceux qui ont les Bibles Thomson. Voilà les interprétations qu'on en fait par rapport aux fruits. Voilà les interprétations qu'on en fait aux fruits. Peut-être vous ne savez même pas pourquoi, dans la mythologie, dans les pensées des gens, on dit que c'est les pommes. Vous ne savez pas pourquoi. Parce que je vais vous parler des pommes. D'accord? Le pourquoi. Il y a des choses que je n'ai pas dit dans cet enseignement parce qu'il attend seulement le monde de Dieu pour le parler. Il y a le pourquoi. Je dis que vous tous là, dans la quasi-totalité, si vous avez fait l'école le dimanche, on va dire que c'était quoi? Les pommes, pas notre fruit. Il y a un pourquoi. D'accord? Il y a un pourquoi. Est-ce que le Seigneur peut parler un instant? Avancer. Il y a un pourquoi. Vous savez, il y a un ordinateur, une marque d'ordinateur qu'on appelait Apple. Vous y arrivez maintenant? Merci, Père. Il y a un style d'ordinateur qu'on appelle Apple. Apple, c'est quoi? Ok, si vous regardez cet ordinateur, vous regardez la marque, vous allez remarquer que c'est Apple. Il y a une mention sur ça. Ah, frère, c'est satanique. Je vais arriver là-dessus. Donc, il y a une explication. Donc, c'est chaud. Il y a une explication. Vous avez entendu parler d'Avalon? Vous avez entendu d'un groupe chrétien en Avalon? Ok, maintenant Apple est lié avec un groupe, le groupe Avalon, dont les créateurs concepteurs c'est Avalon. Et Avalon, c'est l'échelle pour descendre en enfer. C'est ça le titre dans le boom d'un groupe chrétien. Donc je vais revenir sur tout cela parce que ça travaille avec cette chose des jardins d'Éden. N'en plaise à ce que si quelqu'un dit que je suis satanique, démoniaque, il n'y a pas de problème. Je sais de quoi il est question exactement. Parce que vous pouvez vous tenir là, voir la chose se dérouler. C'est différent de connaître. Que je sais, c'est différent. Alors si vous regardez ici, écrit ici, ça aligne. Quel qu'en soit ce que quelqu'un d'autre peut dire, c'est ce qui est écrit. Point final. Alors maintenant, je pose la question. D'où vient-il que dans l'imagerie populaire, ou bien dans les racontages, ou bien dans les sauts, dans les livres des enfants, des contes, on a précisé les pommes. Vous savez, allez un peu, quand vous allez acheter vos pommes là qu'on vend là, on a fait sa pomme de France, d'accord? Achetez cette pomme là. Lorsque vous allez faire cette expérience-ci, quand vous allez remarquer ce qu'il y a en amenant, je peux avancer pour vous enseigner. Si vous ne le faites pas, je ne parlerai pas. Achetez une pomme. Vous savez, quand vous achetez, il y a la partie là qui se lit souvent sur l'arbre. La partie là, si vous déposez la pomme, ça va rester comme ça, d'accord? Vous tournez comme ça, vous coupez ça en deux. Vous ne coupez pas en deux depuis la. Je ne sais pas comment la partie qui se lie à l'arbre là, aux branches. Ne coupez pas de cette partie-là. Coupez du milieu. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Hein? Il n'y a même pas l'image des pommes quelque part ici. et tu parles de dessert. Il y a souvent un truc là où il y a les pommes, non? Maman, tu as mangé toutes nos pommes artificielles qui sont là-bas. Ok maintenant. Vous savez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? La pomme est comme ça, il y a souvent la branche, là où la branche, ça les lit sur la branche. Ne coupez pas à partir du haut. Vous coupez pas comme ça. Coupez comme ça droit. Et observez l'intérieur. Lorsque, si vous observez l'intérieur de la bonne façon, vous venez. Quand le jour vous allez dire, je vais vous expliquer de quoi il est question par rapport à ces choses-ci. D'accord? Alors, on va entrer même. Je vais enseigner, avancer un peu dans le territoire de Satan. Pour vous dire des choses qui se passent là-bas. Et regardez par rapport dans la Bible maintenant. Pour vous dire de quoi il est question. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Il faut qu'on enseigne ces choses-ci. Si vous n'êtes pas prévenu par la foi à ce qui est en train d'arriver au docteur d'autres, des gens vont prêcher des choses, vous allez croire que c'est la même Bible que vous allez prêcher, qu'ils ne parlent pas de la même personne. Vous savez, je vous ai parlé ici, un jour quand j'ai prêché, je vous ai dit que Jésus, lorsqu'il devait faire la Pâque, le soir où il devait faire sa Pâque, les disciples lui ont demandé, il a dit que montez en ville, vous allez trouver quelqu'un qui monte avec la cruche. Les francs-maçons connaissent, ils ont l'interprétation de cela. Celui qui garde la cruche, c'est l'air du verso. L'air du poisson est en train de dépasser. Jusqu'à a cassé le poisson. Donc l'air du poisson est en train de passer. L'air du verso, celui qui verse, l'air est en train d'arriver. Donc Dieu, jusqu'à annoncer comme ça, une nouvelle ère qui arrive. C'est l'interprétation. Il prend dans ta Bible. Ils vont dans l'Apocalypse, chapitre 12, on dit qu'il y avait une femme. Le soleil succédait avec 12 couronnes. Les 12 constellations des signes du zodiac. C'est ce qu'ils disent. Et tout ça, c'est dans la Bible. Ils te montrent dans la Bible. Si tu n'es pas bibliste à la manière de l'esprit, tu crois. Je vous ai parlé de Shekinah, n'est-ce pas? Que Shekinah ne se trouve nulle part dans la Bible. Pas un seul verset. Combien de pasteurs l'utilisent? Combien de pasteurs l'utilisent? Et il y a même le chant pour sa gloire. Pourtant, c'est une démon féminin. Combien de sœurs en Christ, des mères, ont mis leurs enfants ainsi? Mais on va revenir à l'ordre. Shekinah. C'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Où est-ce que c'est écrit? J'ai entendu un pasteur dire ça. Shekinah. Demande au pasteur. Qu'est-ce que Shekinah veut dire? Shekinah veut dire ça. Dit quoi? La gloire de Dieu. Montre où c'est écrit. Où? En hébreu, vrai. Chemin. Va regarder. Ça se trouve pas. Où est-ce que ça, la tradition? Et c'est le C. C'est les termes maçonniques sataniques qui sont entrés dans l'église comme ça. Tu entends un pasteur prêcher que la gloire de la Shekinah. Où dit Shekinah? Ça dit quoi? Que la gloire. Donc ça veut dire la gloire de la gloire. C'est ça, non? Bon, ça n'a pas de sens. Pas vrai, frère? Donc tout cela, on va remettre tout cela en ordre. Que Dieu a une femme, son nom c'est Shekinah. Vous ne savez pas ça? Donc quand vous appelez Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Les francs-maçons comprennent que vous êtes dans le même camp. Donc à la différence que vous dites que c'est la gloire de Dieu, ils savent que c'est la femme de Dieu. Donc c'est la déesse. C'est celle qu'on appelle la reine du ciel. Donc fuyez l'église catholique, vous dites que Shekinah, vous êtes à l'intérieur. Tu es sorti dans Babylone, tu es encore entré dans Babylone. Donc c'est cette femme-là qui est l'épouse de Satan. Comme Christ a son épouse mystique et visible, ainsi en est de Lucifer a son épouse mystique et physique. Donc la religion des mystères, la grande Babylone sur la terre représentée par l'église catholique. Le siège des abominations, ça se trouve là-bas. Donc c'est la représentante, celle qui vulgarise les œuvres de cette reine-mère. Donc vous dites... Non. Nous, on connaît Isis, c'est un démon. Non, chez nous, c'est Marie. C'est la même personne dont vous venez de parler là. Il dit, non, vous, les catholiques, vous adorez Marie. Le soir, tu chantes chez qui. C'est elle que vous avez adoré. Donc, vous êtes sauvés. Vous comprenez que ça a infesté toutes les dénominations. Toutes les dénominations. Jéhovah est son nom. Vous parlez, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chantez avec moi. Jéhovah est bien aimé, chante. Puissant guerrier. Jéhovah, le nom de Dieu. Vous parlez. Donc, dis à ton voisin, la réforme finale de l'église. Là, on va parler de tout cela. D'accord, bien aimé? Donc, voilà, nous prions. Oh Seigneur Jéhovah, ce n'est pas lui. C'est Jaboulon. Le mélange des Jah, juif, des Baal, phénésien. Et de Dieu cananéen. Alors la composition satanique donne Jéhovah. Donc on arrive. Qui est-ce qu'on adore? Comment est-ce qu'on adore? Pourquoi on est allé si loin alors que l'évangile était simple? Dieu a créé les hommes. Dieu a créé les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc on va revenir sur cela. Posez des questions bien aimées. C'est pas le temps. Il met seulement des plans comme ça pour que vous voyez là où on en est. Parce que par rapport à la sémence avant que ça m'a entraîné là-bas. Parce que des choses se sont passées sur cette terre-ci. Même la terre si a vu sa part avec les péchés. La terre ce que vous voyez là, ça a vu la, sa part avec les péchés. De pas étonnant qu'elle soupire elle-même, voulant être délivrée. Donc là tellement, le terre a tellement été complice des meurtres sur la terre, c'est de ces abominations qu'elle souhaiterait même être délivrée. Garçon, tu venais d'arrêter ça. Donc frère bien-aimé, aimons le Seigneur, servons le Seigneur. Le simple veut qu'on ait du lait. Souvenez-vous, quelque chose, une réunion en train de se préparer, une réunion se passe. Une version de la Bible va sortir qui va contenter tout le monde. Cette version-là, on va l'imposer. Cette version, on va l'imposer, on va financer. Et souvenez-vous, voici le signe. Écoutez très bien ceci, parce que quand ça va arriver, ne manquez pas. Pour que vous soyez séduits. De toute façon, si vous êtes destiné à être séduit, vous serez séduit. Ce style de version de la Bible dont je suis en train de parler, écoutez attentivement pour ne pas rater cela. Si vous pouvez noter, notez. Je le dis parce que c'est enregistré, parce que ça sera publié dans le monde. Pour que lorsque ça va arriver, que le monde ne dise pas qu'il n'avait pas su. Quelque chose est en préparation. Et deux groupes principaux, deux principaux groupes sont en train de financer cela. Je tais les noms pour le moment. Ces groupes sont en train de travailler dans l'ombre maintenant, alors que nous nous tenons ici là maintenant. Ils sont en train de travailler dans l'ombre pour réviser la Bible. Pour trouver une Bible commune qui arrange tout le monde. Une Bible écuménique. Ils sont en train de travailler. Là maintenant, alors qu'on est en train de parler maintenant, ils sont en train de travailler. Ça va sortir avec les messages extraterrestres à l'intérieur. Alors frère, les bouddhistes pourront trouver son compte. Les musulmans pourront trouver son compte. Chaque dimension pourront trouver son compte. La place est faite pour l'antéchrist. Alors maintenant, voici ce qui va se passer. On va vulgariser cette Bible-là. Voici le signe. Même les gouvernements vont dire que ce sera favorable. Vont être en faveur de ce style de Bible. C'est ce que je dis, n'est-ce pas? Vous savez que normalement, les princes de cette terre doivent tyranniser. Vous savez que les princes de cette terre doivent oppresser. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous savez que les princes de cette terre aussi doivent persécuter. Mais ils vont accepter cela. Donc voilà le signe, cette Bible. Donc gardez jalousement vos différentes versions que vous avez. Gardez-les jalousement, c'est en préparation. Quand ça va arriver, ça va bouleverser la pensée humaine. Souvenez-vous de ceci. Oui, frère, pose la question. Oui, naturellement, c'est la Bible qui communique, c'est la Bible tombe. Où est le problème? Alors maintenant, quand tu veux voir Maccabée et que tu n'as pas encore vu ce que c'est que Maccabée, c'est mieux de lire. D'accord? Si tu lis son Daniel là-bas, il y a le chapitre 13 là-bas, il y a même l'histoire de Daniel là-bas avec une femme là, qui Daniel qui attrape la tête du dragon dans cette Bible-là. D'autre que Daniel même rit. Attends, lis seulement l'évangile de Jude, tu vas voir comment Jude on pose la question de Jésus. Regarde celui-ci, il ne connaît même pas ça, Jésus. C'est juste de la Bible. Il parle. Il fallait que elle embrasse Marie de Magdala par la bouche. Donc, ce sont ce qu'on appelle les gnostiques. Donc, c'est les gnos. Connaissance, Sophia. Les choses cachées. Votre Bible, que personne ne vient vous dire n'importe quoi pour vous dire cette Bible. C'est la Bible est totale, parfaite. Et définitive. Il ne doit rien être ajouté. Rien ne doit être modifié. Mais avant cela, avant qu'on toutes ces choses se mettent en place, je crois que si le Seigneur le permet, on va travailler tout ceci. Je vous avais dit que dans vos différentes versions, Dabi, Martin, Osterwald, Zadok, Abbé Crampon, et ainsi de suite, lui second particulièrement, on va travailler et on va restituer. Vous allez prendre votre Bible avec les versets. Si vous avez la Bible, vous avez les espaces, on va écrire au-dessus les choses qui ont été enlevées. Il y a les endroits où on a mis Seigneur Jésus, ils ont enlevé Seigneur, ils ont mis Jésus. Alors les maîtres suprêmes peuvent venir parler qui sont de Jésus. Jésus dont on parle la Bible. Mais il y a un seul Seigneur. Un seul Jésus, qu'est-ce qui est Seigneur? N'est-ce pas, bien-aimé? Donc il faut qu'on fasse tout cela. Il y a des endroits où on a enlevé. Beaucoup de choses sont enlevées. Vous voyez par exemple dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans Romains 8, verset 1 de lui, c'est comme. Mais ce n'est pas comme ça que c'est écrit. C'est écrit, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est terrible comme phrase qu'on a fait couper là-bas. Vous voyez cela? Alors quelqu'un dit, non, non, tu es en Christ. Non, non, il n'y a plus de condamnation. Alors voilà pourquoi tu peux prêcher sur la sanctification. Quelqu'un ne peut pas comprendre. Il dit que non, il n'y a plus de condamnation. Pourtant, le verset ne dit pas seulement qu'il n'y a plus de condamnation, mais il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas terminé. Cette personne qui est en Jésus-Christ ne marche plus selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, pour ceux, c'est pour eux, donc, il n'y a plus de condamnation. Or, en coupant cette chose-là, tu vas dire à quelqu'un, non, je suis un Christ. Le foulard n'est pas important. Le pantalon n'est pas important. Vous cessez, n'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi les gens, on a tronqué ces choses-là. Mais il n'y a rien de caché qui doit être révélé. Vous voyez, le Seigneur est là. Il a toujours veillé sur sa parole, il veillera toujours. Mais quand Jésus a dit que si quelqu'un ose un seul iota, il savait que c'était possible que quelqu'un le fasse. Et non, ils ne sont pas allés. Jésus avait dit qu'un seul iota. Ils ont enlevé des phrases. Les catholiques, eux, ils ont enlevé 10 commandements tronqués, enlevé les idoles sur ça. Lisez seulement les catéchismes de l'Église catholique et observez. Voilà, n'est-ce pas? Ils sont tronqués. Ils disent quoi? Ils ont les docteurs, ils sont les vicaires du Seigneur. Ils peuvent le faire. Mais c'est en ordre. Mais ceux qui connaissent la vérité tiendront la vérité dans leur cœur et les garderont. D'accord? Autre question, bien-aimé. Il dit, c'est à vous de voir. Le jour où vous décidez qu'on se réunit, on parle de cette Bible-ci. On parle de la Bible. Quand vous avez votre Bible en main, vous dites, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On parle de ça. On parle. On s'assoit, on parle de la Bible que vous avez devant vous. On parle de la Bible. Vous savez, quand vous étiez en classe, on parlait de faire un portrait ou une narration. Je ne sais pas comment vous appelez cela. Le portrait de votre père. Le portrait, si vous faites le portrait, qu'on puisse examiner ça. Alors, pour que vous sachiez que ce n'est pas n'importe quel style de livre. Ce n'est pas le livre des mathématiques. Ce n'est pas le livre de philosophie. C'est le livre de vie. C'est un attribut, c'est l'un des attributs de Dieu qui est couché là. C'est l'un des attributs de Dieu. Vous savez ça, frère? C'est Dieu qui est couché littéralement dans les feuilles. C'est Dieu qui est couché dans les feuilles. Dieu et sa parole sont inséparables. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, Logos. La parole s'est fait chair. Il est venu s'est fait chair. Après, c'est le couché là-dedans. Une balance comme ça que... Votre Bible, là, ce sont les blancs qui ont écrit. Hein, mon frère, c'est là où ça va arriver. Ce sont les hommes qui ont écrit. Donc, ce sont les hommes qui ont créé Dieu. Donc, c'est un ordre. Donc, ce livre qu'on a envie de préparer, on va l'imposer. Mais, quand il parle d'imposer, c'est pas dire qu'on va dire que faites comme ça là. C'est de façon sournoise. C'est de façon sournoise. On va organiser des grands séminaires interdénominationnels. Souvenez-vous de ce mot-ci. Interdénominationnels. C'est-à-dire quoi? Que tu sois dans telle ou telle dimension, ça importe peu. Dis à ton voisin, ça importe pour le Seigneur. Voilà. Donc, pour vous n'importe quel groupe, c'est pas le problème. On va vous distribuer ça gratuitement. On va faire, si vous avez des groupes de leaders que vous voulez qu'on vous fasse les formations gratuites, et même on risque de payer même certaines. Que ces personnes-là viennent dans leur séminaire, pourquoi les font, comment utiliser cette Bible-là pour le bénéfique. Il y aura le temps de rafraîchissement spirituel, de retraite. Et c'est alors là on va impacter l'esprit. L'antichrist, la marque de la bête. Souvenez-vous, je vous avais parlé de ces 666 dont parle la Bible. La marque de la bête sur le front. Souvenez-vous, je vais vous parler un bref instant maintenant. Vous savez, vous avez entendu parler de la glande pinéale. Vous connaissez au moins la glande pinéale, la partie du cerveau là. Vous savez, la glande pinéale. J'ai comme l'impression que j'ai fréquenté seul ici. Je n'ai pas fait la science au moins. Dans la classe de 3e, j'ai sauté. Donc, pour l'autre, là, je suis vraiment un mauvais garçon. Mais au moins, vous avez entendu la glande pinéale. Au moins, des parties de cerveau, vous les connaissez au moins. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Un peu, ça veut dire quoi? Tu connais une partie avant d'arriver, que la partie ne connaît plus. Vous savez pourquoi vous dormez, n'est-ce pas? La glande pinéale, c'est cette partie-là qui sécrète une substance. Appelez la mélanine. Ça vous fait dormir. Lorsqu'il y a l'obscurité, ça sécrète et puis vous dormez. Comment on fait? C'est que cette substance-là est en train d'être sécrétée. À l'instant, on allume la lumière, pap, ça diminue. Cette glande-là, ça se trouve. Si on prend ta tête, on ouvre comme ça, ça se trouve à partir de cette direction, ça se trouve exactement là-dedans. Ça se pend comme ça, là. Ici, à partir d'ici, là. Frère, j'aimerais vous parler de l'imposition des mains. Pourquoi les gens imposent les mains sur le front des gens? J'aimerais vous dire cela pour que vous fassiez attention. Et on va voir tout cela avec la marque de la bête. Souvenez-vous, je vous avais parlé, lorsqu'on parlait de séminaire de la fin des temps, à la dernière fois, je vous ai parlé que n'allez pas croire ces choses-là qu'on a dit qu'on va mettre écrit les 666 et les puces, on va mettre les puces ici. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Satan est en train de distraire le monde entier. Donc imaginez donc que si quelqu'un comme. Ok, prenons un exemple. Le frère Achille sait que non. S'il y aura de l'enlèvement, je n'ai pas dit qu'il faut rater l'enlèvement, d'accord, frère? Ah, maintenant. Si ces frères-ci coupent la peau, vous avez décidé de couper la peau avec la lame de rasoir pour se faire des blessures. Après, il y aura une cicatrice là-bas, pas vrai? Alors maintenant, il décide que non, il coupe ma main droite. Parce qu'au moins, il sait que même si il coupe ma main, il ne peut pas mourir. Il ampute sa main droite. Où est-ce qu'on va placer cette marque-là? Puisqu'il faut que ça soit sur la main droite ou bien sur le front. Ça fait qu'on peut mettre ici. On peut mettre ici, ni ici. Ça doit être ici. Et ça doit être la main droite. Vous savez ça, frère? Alors, si celui qui est dans le manchot de la main droite, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont même pas le front, vous savez ça. Il y a des gens qui sont tellement métamorphosés qu'ils n'ont même pas le front. Où est-ce qu'ils seront leur marque de la bête? Donc, ce n'est pas ces choses-là qu'on a déparé. Quand on a écrit 666 ici, souvenez-vous de cela. Donc, je vais glisser là un peu. Je vais venir spécifiquement sur ça pour parler. Parce que je ne vais pas parler de New Age, des doctrines étrangères et de la Kundalini dans l'église. Il ne touche pas ceci. C'est pour cela qu'on fait ces choses-là sur le front des gens. Lorsqu'on touche donc la pinale, on envoie la puissance, là ça touche la pinale, tu as l'effet. C'est pour ça qu'on fait la psychologie, manipule cette pensée. Même avec les gens qui parlent, tu sais qu'on fait les pendus, vous savez, vous avez appelé Sigmund Freud, n'est-ce pas, les pères de la psychanalyse là. On fait ce qu'on appelle, on fait un pendu, ça passe devant tes yeux, on t'endort, c'est ça qu'on touche, ça, la subconscience. Pour que tu entres dans un état d'inconscience, l'état second. Alors là, on peut te suggérer des choses. Le démon entre. Et tout ça, c'est à cause de Shekinah. Shekinah, c'est elle. Donc, frère, il y a beaucoup à dire. Donc, souvenez-vous, lorsque vous allez commencer à comprendre séminaire de ceci, faites attention. C'est le boulevard de la séduction. Séminaire, viens, on va vous donner une révélation. Séminaire, on va vous donner telle chose. Séminaire, il y a une nouvelle chose qui a laissé passer. Souvenez-vous de cela, c'est là. Vous savez, vous avez votre Bible à la maison. Vous pouvez la lire et puis le Seigneur. Si le Seigneur ne vous permet pas de comprendre, il sait qu'il n'a pas voulu que vous compreniez. Parce que de toute façon, s'il veut que vous compreniez, sans que personne ne soit là, il va vous la donner. Souvenez-vous de cela. Vous avez votre Bible. Il vous manque seulement à cultiver l'intimité avec lui. Tout simplement. S'il y a une bonne connexion avec son esprit, vous n'avez pas besoin. Et comme la Bible dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne quand son esprit est là. Alors, ça veut dire que ce qu'il faut chercher en réalité, c'est son esprit. Pas les séminaires. Ce qu'il faut, c'est une bonne relation avec le Saint-Esprit. D'accord, bien aimé? Ok, y a-t-il des questions? Si il n'y a pas de questions, on commence quelque part maintenant. Oui. Oui, frère. Frère, après avoir suivi l'enseignement sur la famille, oui. Vous expliquez très bien comment le roi Josias a souillé les peaux dieux. Oui. En introduisant les cadavres. Les ossements humains. Et vous avez très bien expliqué comment l'église catholique nomme des saints par rapport aux églises. Mm-hmm. Ma question relativement à cela, c'est que nous assemblons ici à l'époque. Mm-hmm. Est-ce que maman de Rose a introduit un cadavre dans cette maison? Quoi? Pourquoi quoi? Elle a de la famille. Absolument. C'est la maison. Il n'y a pas de problème. Mais solennellement dans l'église, non. C'est-à-dire que quand on est réuni, quand quelqu'un ne monte pas celui-là, vous commencez à prier à côté. C'est pas ça. C'est pas biblique, d'accord, frère? Juste que là, tu comprends. Je vais prendre l'exemple. Nous sommes réunis ici maintenant. Nous sommes réunis autour de ce cadavre pour faire la messe. C'est diabolique. Si nous venons pour lui rendre visite parce qu'elle a perdu quelqu'un, il n'y a pas de problème. Parce que c'est la maison de toutes les façons. Oh, regarde bien ce qui se passe là-bas. C'est qu'on amène ça pour faire la messe et c'est quelque chose de solennel. Tu comprends la différence maintenant? C'est caché. Et ceux qui vont à l'église catholique ne savent pas qu'il y a les ossements tels que vous avez expliqué. Non, mais attends. Ils savent. Les gens qui sont là-bas bien placés, ils savent. C'est pas pour rien qu'ils font le cimetière derrière leur truc parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Quand on dit Saint-Jérôme, pourquoi on nomme ça Saint-Jérôme? Pourquoi on donne ce patronyme Saint-Jérôme? Saint-Thomas, vous avez appelé Saint-Thomas d'Aquin, Saint-Paul et Pierre. C'est pas pour rien. Après avoir suivi que j'ai suivi. Non, mais maintenant, comme tu as suivi comme ça là, va donc en investigation pour voir si c'est vrai. Vous voyez, il y a une femme, à qui j'ai prêché comme ça là. Elle est, c'est une femme qui a l'école ici, touche sa maquette ici. Elle était un abonné de Rome. Chez elle, tu vois Jean-Paul II qui faisait comme ça. Jean-Paul Catherine qui faisait comme ça là. Dans sa maison. Non, sa maison était le Vatican en miniature. Parce qu'elle allait à chaque fois. Subitement, frère, j'étais en train de prêcher. Je ne savais pas. En réalité, je ne savais pas. Puisqu'il n'a jamais été catholique. Pendant qu'il était en train de lui parler, il disait que subitement, c'est sorti que c'est pourquoi les bâtiments de l'église catholique sont inaugurés par les ossements humains. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. C'était sorti tout simplement comme ça. La femme là est tombée sur ses genoux comme ça. À l'instant là que c'est sorti, elle est tombée à genoux. Maman, c'est quoi? Il dit qu'en fait, c'est vrai. Elle a dit que elle était, puisque comme elle a de l'argent. Elle était participante de la première prière de cette chose qui ici à Macapé. C'est Monique, vous appelez Monique, c'est Monica. Elle dit qu'elle était là quand on a mis cette hausse là. À cette test là, elle a compris que c'était mauvais. Mais ça fait combien d'années qu'elle avait fait cela? Elle a pris tout ça. La grosse croix qui était là, comme ça, que Vatican, elle a pris comme ça, elle me l'a brûlé. Maintenant, parle de l'église catholique, elle va te dire. Mais c'est le Seigneur faisant. D'autres fois, vous expliquez, ils ne comprennent pas pourquoi le mal qu'il y a à cela. L'adoration des démons et des êtres désintégrés. désincarné. Autre question, frère? Oui, frère. La dernière fois que nous sommes rencontrés, nous avons parlé de où est-ce que va l'esprit après la mort de l'homme. Oui. Et m'avait donné quelques indications. Oui. Quand je suis rentré, j'ai dit, je vais parler de ça. Oui. Vous avez parlé le temps de Étienne. Oui. Il a dit, Seigneur, son esprit. Mais quand je suis rentré, Ecclésiaste 12, verset 9, on dit très bien qu'à la mort, l'esprit retourne à Dieu. Mais il a dit. Oui, et dans ces Actes chapitre 7, verset 5, il a dit quoi? Que le Seigneur, Seigneur ça dit la même chose là. Oui. Quand vous partez dans l'Apocalypse 22, oui. Il est très bien écrit que l'Esprit rentre au Seigneur qui donne le. Tu es sûr, frère? Ok, si tu es sûr, donc lis, donc on entend ce qu'il dit. Apocalypse 22, verset 6. Oui. Et il me dit. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son âme. Vous entendez le frère Sierra, n'est-ce pas? Ouais, que, je vais vous dire que c'est sûr, il dit oui, c'est sûr, alors que la Bible n'est pas en train de dire la même chose. C'est pour ça que je posais la question. À un moment, Ephésias, Dieu, est-ce que le tour en Dieu? Oui. De l'autre côté, Étienne demande au Seigneur de recevoir son âme. C'est la même personne dont il est question. La personne que Ecclésias passe, c'est la même personne que à qui il a adressé. C'est que Ecclésias dit la même chose. Attends, on veut l'appeler Étienne. Il se lève comme ça, il dit que je vois Jésus debout à la droite du Père. Il dit, Seigneur, reçois mon esprit. C'est lui qui reçoit l'esprit des gens. C'est ce qui est écrit, ça ne le dit. Hein, frère? Donc, c'est juste qu'il reçoit les esprits. Et si on n'a pas parlé de cela. Et autre chose, c'est que le jour dont je parlais, je ne parlais pas de l'esprit humain. Jusqu'à ça, on dit que jusqu'à ça, ça n'a pas saisi. J'étais en train de dire ceci. Moi qui suis devant vous là maintenant. J'ai le Saint-Esprit habitant en moi qui est différent de mon esprit. C'est la question qui est posée. Je dis, si je meurs, le Saint-Esprit qui habite en moi va où? C'est la question qui est posée. Je n'ai pas dit mon esprit. Donc, continuez à réfléchir là-dessus. Donc, je n'ai pas dit mon esprit va où. J'ai dit que je suis baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit habite en moi, a fait sa demeure en moi. Alors, si je meurs, est-ce qu'on l'enterre avec moi? Si c'est oui, donc le Saint-Esprit est mort. Si c'est non, il va où? D'accord? C'est la question. Donc, on vient à réfléchir. D'accord, frère? C'est la question. C'est là, le point. Ok, donc, dis-nous. Pardon? C'est où, donc? Le Saint-Esprit, quand il meurt, il va où? Il rentre à celui qui lui a donné. C'est vrai, ça, frère? Non. À haute voix, c'est vrai? Non. Voilà. Donc, on continue à chercher. D'accord, frère? Ok, donc, on va lire. Oui, frère, je voulais poser la question tout à l'heure quand tu parlais des noms et autres, lorsqu'on parle de Shekinah et Jéhovah. Oui. Oui, je voudrais savoir, parce que parfois on voit même des enfants de Dieu, effectivement, qui ont connu la vérité. Je vais prendre le cas. Pose la question directe. Pas des gens, pose la question directe. Lorsqu'ils citent ces noms, est-ce qu'ils ne savent pas? C'est l'ignorance. On a été influencé. Je sais de quoi tu en as parlé. Ce n'est pas pour autant que quand quelque chose est dans le... Prenons un exemple tout simplement. Voici par exemple l'utilisation du chapelet dans l'église catholique. Les pentecôtistes ont commencé à copier déjà le port du crucifix. Vous savez ça? Les pentecôtistes, les évangiles ont commencé à porter là les crucifix. On voit les évêques avec le crucifix. Or, il y a des années, eux, ils dénonçaient cela comme étant de l'idolâtrie. N'est-ce pas? Pourquoi ils ont commencé à porter? La séduction en train d'aller croissant. D'accord? Ce n'est pas possible que vous retrouviez la trace de Jéhovah avant 1220. Ce n'est pas possible dans la Bible. Je dis 1220. C'est là où ça commence. Par un païen. Les francs-maçons disent que c'est la transcription erronée du télégramme YHWH. Les francs-maçons. Ils disent que c'est le nom de l'initiation au troisième degré du franc-maçonnisme. Donc tu vois, on passe au troisième degré avant d'arriver au 33 degrés. Le troisième degré, c'est ça qu'on invoque là-bas. C'est terrible. Quand on aura le temps, je vais mettre des projections ici, là. Vous allez voir le temple avec le nom Jéhovah écrit là-bas. Avec les symboles qu'ils avaient, c'est Jéhovah. Vous voyez, c'est, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que les témoins de Jéhovah sont une branche de francs-maçons. Branche les plus utiles et les plus actives de la franc-maçonnerie, le témoin de Jéhovah. D'accord, mon cher frère? Ah, donc, ça veut dire qu'on peut être dans l'ignorance. Comme par exemple, prenez un exemple. Si vous avez des pasteurs que vous connaissez, qui, oh, la gloire de la Shekinah, vous dites, frère, posez, allez devant le pasteur, dites, pasteur, franchement, j'ai un problème sérieux. Shekinah, ça veut dire quoi? Si tu dis que c'est la gloire, dites-lui où est-ce que c'est écrit. Posez-le seulement là. La question, où est-ce que c'est écrit, même dans le livre hébraïque, où est-ce que c'est écrit que Shekinah, c'est la gloire de Dieu? Puisque vous avez la gloire de Dieu là-bas, vous savez, le même peuple, cliquez seulement sur gloire, alors il y a partout, il y a la gloire, pour voir si en hébreu ça veut dire Shekinah, ça n'a rien à voir. C'est, n'est-ce pas? Alors c'est sorti d'où? Dit non, j'ai entendu au séminaire, un pasteur avait dit au séminaire que Shekinah c'est la colère de Dieu. Ils ont entendu. Ils ont commencé à répercuter, c'est arrivé aujourd'hui. La tradition. Shekinah. Jéhovah est son nom. Regardez votre lui second dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 14 et 15. Lorsque Abraham va pour donner son enfant, il dit que Dieu a pourvu là-bas, il a dit que on a écrit là-bas Jéhovah Jireh. Regardez bien, dans l'original, c'est pas écrit comme ça. Lui second écrit cela dans les années 1600. Donc dans la période où il y avait, on a commencé à manifester le nom Jéhovah. C'est pour ça que c'est infesté comme ça, c'est infesté partout. Dans l'original, c'est pas ça, ce n'est pas mentionné nulle part dans la Bible. C'est pour ça que quand le témoin de Jéhovah approche avec vous, quand il vous dit que vous connaissez le nom de Dieu, tu dis le nom de Jéhovah, il dit que non, même dans lui second c'est écrit. Et quand tu vois lui second, si tu ne connais pas l'histoire, c'est pour ça qu'il vous a dit qu'on va faire le portrait de la Bible. Quand tu vois comme ça, tu dis non, ok, ça va. Donc, comme c'est écrit chez vous, témoin de Jéhovah. Okay, nous sommes témoins de Jéhovah. Quel est ton problème? Donc, le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Vous voyez là ça, frère? Où est le problème, n'est-ce pas? C'est un peu comme dans votre lui second dans Proverbe 8, verset 22. C'est écrit là-bas qu'avant qu'il ne fasse quelque chose. J'ai été créé avant les premiers de ses œuvres. Vous lisez ça, on parle de Jésus là-bas, tu ne peux pas nier. Quand on parle de Jésus, demain je vais dire que, ok, Jésus est la première créature de Dieu. Dieu a créé Jésus. Et il a dit à Jésus que je crée les autres choses. Vous dites que c'est quoi? Il dit que même dans votre livre, c'est écrit qu'il a été créé. Tu ouvres la Bible, 8 secondes. J'ai été créé avant la première de ses œuvres. Mais tu regardes dans l'hébreu, le verbe c'est Kanaha, qui n'arrive pas avec créer, qui est Bara. Voilà ça, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa. Au commencement, il dit Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu vois un peu dans ce moment? Bereshit bara Elohim. Bereshit bara. Bara, le mot verbe créer. Ici, créer, écrit ici. Toujours dans la Bible juive. Cette fois-ci, le verbe est créé, c'est Cana. Qui veut dire posséder. L'éternel m'a possédé depuis l'éternité. Ça change toute la donnée. Pourquoi? On a traduit mal en français. C'est grave. Et tu lis là-bas, c'est écrit créer. Comment tu vas expliquer à quelqu'un que Jésus n'a pas été créé? Pourtant, c'est écrit littéralement là-bas que j'ai été créé. Il a dit que j'ai été créé. Tout simplement parce que quelqu'un a pris en langue, la langue originale, en écrivant dans notre langue, il a plutôt mis le mot qu'on dit créé, qui veut dire ça, on dit qu'on a donné, une existence. Or, cette même Bible, lui, second, dit que celui donc qu'on appelle Melchizedek est semblable au Fils de Dieu. Il est sans main, sans père, sans généalogie, sans commencement de vie, ni fin de vie. Pas vrai? On dit qu'il a été créé. Comment quelque chose qui n'a pas de commencement peut avoir été créé? Ouais, il commence à créer des problèmes là. Il faut seulement restaurer les choses à la place. Et souvenez-vous de ceci. Quand bien on va faire le mensonge, Dieu va faire parler de la vérité. Absolument. Dieu va faire parler de la vérité. Donc mon cher frère, c'est prenons un exemple simple. L'expression « je m'en vais à l'église ». Vous avez vu comment on a du mal à ce que ça quitte la bouche des gens. Malgré que tu vas expliquer aux gens et les gens seront d'accord avec toi que l'église ce n'est pas un lieu. Ma soeur, tu vas où là maintenant? Je m'en vais à l'église. Non, je m'en vais. C'est comment qu'on pose le problème? Aux réunions. Non, à l'assemblée. Au culte. Je m'en vais rendre culte. Les problèmes commencent. Pourquoi? On a eu du temps à être imprégné du mensonge. Subitement, quand tu dis à quelqu'un que tu ne dois pas dire, ce n'est pas biblique de dire je m'en vais à l'église. Quand tu dis comme ça, simplement, les gens te prennent pour un fou. Pourquoi? Parce que l'habitude est devenue seconde. Nature. Dimanche, je m'en vais à l'église. Après, la personne dit, mon église encore, entre guillemets. C'est dire faux. Vous voyez, parce qu'elle est dépassée. Mais il faut que ça se soit retiré. Malgré que c'est populaire, il faut que ça soit restauré. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, frère? Donc, ce n'est pas possible qu'on batte à l'église. Parce que l'église ne peut pas marcher. Comme ça, pour aller en autre. Il n'y a pas deux églises sur la terre. C'est l'être qui est l'église. Il n'y a pas. Vous avez d'autres personnes encore, quand ils sont fatigués, disent que. Les gens qui ont les églises bâtiments, fermez-les. Il n'y a pas des églises bâtiments. Il n'y en a pas, ce n'est pas possible. Parce que Ecclesia, c'est ceux qui sont. C'est ceux. Ceux-là, le ceux, c'est mis pour des personnes. Bâtiment, c'est pas. On ne peut pas dire ceux. Ecclesia, c'est ceux qui sont appelés hors de quelque chose. Appelés hors de. Vous entendez, n'est-ce pas? Vous me suivez? Oui. Donc on ne peut pas dire que église bâtiment, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il y ait les églises bâtiments. Parce que église, ce sont les êtres humains. Donc, il n'y a pas les êtres humains bâtiments. Il n'y a pas des êtres humains bâtiments. Que votre église bâtiment. C'est pas église bâtiment. C'est pas possible qu'il y ait église des bâtiments. Ou bien église bâtiment. Il n'y a pas non plus église des maisons. Il n'y a pas ça. Dis à ton voisin, il y a tout simplement l'église. Si c'est réuni, c'est dans les maisons. Donc l'église, c'est réuni dans les maisons. Voilà. les expressions commencent à être simples. Malgré que, maintenant, ce que vous allez faire dans la maison, c'est que vous restez que l'église se réunit dans la maison. L'église se réunit dans la maison pour changer, je m'en vais à l'église. Il faut que vous vous reprogrammez. D'accord, frère bien-aimé? Ok, il n'y a plus de questions. Je vais entamer. Vous permettez que j'entame quelque part? On peut aller. La dernière fois ici, nous avons vu quelque chose. Lorsque nous avons étudié un livre, pour ceux qui avaient été là, nous avons étudié le livre des Thessaloniciens. Un Thessalonicien, et nous avons été bénis. Et Dieu nous a ordonné de prendre comme miroir les églises de la Macédoine et particulièrement l'église des Thessaloniques. N'est-ce pas? Et nous avons vu au verset 3 de ce 1 Thessaloniciens que l'église de la Macédoine avait principalement les trois fondations, les trois piliers de la foi chrétienne qui est inébranlable, la foi, l'espérance et la charité. Et ils avaient leur manifestation. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? L'église de la Thessalonique avec cela. Et le Saint-Esprit a rendu témoignage à leur foi que leur foi a retenti dans tout le monde. Les saints sont devenus les gens veulent les prendre pour modèle. Et le Saint-Esprit a donné l'injonction qu'on prenne pour modèle les églises de la Thessalonique. D'accord, bien aimé? Dans cette même direction, nous allons étudier un livre aujourd'hui et voyons ce que le Seigneur nous y réserve. D'accord? Vous voulez que nous étudions la Bible ce soir? Est-ce que nous pouvons étudier cette Bible ici de la bonne manière, étant que vous ne me mettez pas les pressions? Quand il parle de me mettre la pression, c'est que pendant qu'on allait lire, je veux que vos yeux soient dans votre Bible, soit pour suivre ce que j'allais dire. Pas là-bas. Est-ce qu'on peut le faire? Il dit que qu'on ne regarde pas cette montre ici, parce que ça me dérange chaque fois qu'elle me tourne pour regarder cela. Donc, que les yeux regardent dans la Bible. Si vous ne regardez pas dans la Bible, que vous fermez les yeux pour méditer sur ce dont on allait parler. Ou bien regardez en cette direction, c'est d'accord? Vous promettez que vous n'allez pas regarder la montre. Non, mais j'ai pas, parce que je sais que vous avez la montre dans vos poignets aussi. Parce qu'il y a un seul qui va fermer, c'est là que mon mari va me fermer la maison, c'est quoi? Prenons le livre de Jacques, on va étudier le livre de Jacques aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous de ce qui avait été dit, on va prendre du temps ici, des moments où on va étudier livre après livre. Après, c'est bénéfique seulement parce que j'ai senti de ressentir que cette façon-là, ça va nous permettre d'être rempli de quelque chose. On va prendre à partir de Actes, on va étudier livre après livre, sorti jusqu'à Apocalypse. D'accord, bien aimé? Donc on va passer du temps là-dessus. Vous y êtes? Donc aujourd'hui, nous allons étudier le livre de Jacques, qui a 5 chapitres. Nous allons étudier le livre de Jacques, frère de Jésus-Christ, le petit frère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'en plaise aux catholiques et aux catholicistes que Marie a eu un autre enfant, au moins, en dehors de Yehoshua, en la personne de Jacques, dont on va lire son écrit maintenant. D'accord? On l'appelle dans Galates chapitre 1, le verset 18. Si vous lisez Galates chapitre 1, verset 18, l'apôtre Pierre dit que trois ans plus tard, je suis monté à Jérusalem et j'ai demeuré chez Cephas 15 jours. Je n'ai vu aucun de ces d'autres apôtres, si ce n'est ce que Jacques, le frère du Seigneur. Quand il dit le frère du Seigneur, il ne parle pas de le frère en Christ, c'est pas ça dont il est question. Il dit le frère, ça veut dire que c'est son demi-frère. Mais. Voilà. Amen. Donc c'est son frère. Le frère du Seigneur, donc c'est lui ici. D'accord, bien aimé? Donc nous allons lire le livre de Jacques. Ce livre écrit en l'an 50, l'an 60, entre 50 et 60. Qu'est-ce que Dieu a donné comme injonction? Voyons, voici une preuve. Lorsque nous lisons chaque fois les Écritures, nous sommes frappés de la manière dont l'Écriture est rendue réelle et manifeste dans nos quotidiens. Nous sommes frappés de la manière dont la Bible dénonce, prédit, et annonce des nouvelles choses et nous les voyons, dirons-nous. C'est fascinant tout simplement. Dis à ton voisin, la Bible c'est pour toutes les époques. Même si les époques chamboulent. La Bible, la parole de vérité, demeure éternellement. Et par conséquent, les époques changeantes doivent s'y conformer. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ce sont aux êtres de chaque génération de se conformer ici à cette parole, ce qui est stable. D'accord? Ça veut dire que vous tournez, lui est toujours le même. Vous dites, aujourd'hui, non, il y a plusieurs femmes dans le monde entier. Il y a peu d'hommes. Si un homme prend une femme, comment les autres femmes vont faire comment? Dis à ton voisin, laisse les autres. Celui qui les a créés va s'en occuper. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce sont des tactiques pour avoir la polygamie. Comme si il prend une seule. Vous vous souvenez, Salomon a pris 1000, ça a résolu le problème des femmes dans le monde. Voilà, donc dès que tu prends 2, tu ne résous pas le problème. Oui, même s'il prenait 100 000, il y aura toujours des femmes plus que les hommes, pas vrai? Donc ce n'est pas à nous de résoudre ces problèmes-là. C'est-à-dire quoi? Quand la Bible a dit que c'est un homme, une femme, ça doit être un homme, une femme. S'il prend, mais, d'abord, un jeune a pris une femme. Si les autres veulent se marier, c'est leur problème. Amen. Je dois m'occuper de toutes les femmes. Ok, lisons le livre déjà. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, souvenons-nous, la parole de Dieu demeure éternellement. 1 Pierre chapitre 1, verset 25, le dit, n'est-ce pas? Et c'est cette parole-là qui nous a régénérés. Donc, ouvrons le livre de Jacques, on va lire, et puis on va voir ce qu'il en est. Jacques. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour la part que tu nous donnes de participer à ta table aujourd'hui. Seigneur, dirige-nous dans cette lecture et aide-nous donner la nourriture pour notre âme en cette heure. Je recommande les cœurs ici entre tes mains, Père de gloire, et je recommande, ô Dieu de gloire, ceux qui écoutent ce message, si même en différé. Nous prions, Père de gloire, pour toute personne, ô Dieu de gloire, qui écoutera cette voix, ta parole. Père de gloire, que là où nous chancelions, Père de gloire, que nous revenions à l'ordre. Dirige nos pas vers toi, Père de gloire, et conduis-nous dans le sentier de la justice, afin que cette porte ouverte dans les cieux nous soit révélée davantage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire. Verset après verset, je ne sais pas si on veut finir ce chapitre aujourd'hui. Mais je souhaiterais que nous finissions. Pourquoi on n'est pas... Parce que vous souvenez aujourd'hui, vous suivez jusqu'au chapitre 2, un autre jour, vous ne venez pas, on ne va finir. Ce ne serait pas bénéfique. Vous permettez que nous finissions vraiment. Ok. Ok. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Il présente comme serviteur de Jésus. Vous lisez dans d'autres versions de la Bible, il écrit Jacques, par exemple, dans l'une de la version d'Abi, et dans la version King James, vous lisez, il dit esclave du Seigneur Jésus-Christ. C'est son grand frère. Mais il a compris que l'autre grand frère, c'est un autre grand frère qui dépasse les grands frères. Il dit qu'il est son esclave. Alléluia. Mm-hmm. Vous savez, pardon, je vous raconte une petite histoire. Si vous lisez votre livre dans le livre de Jacques au chapitre 7, dans le livre de Jean chapitre 7, quand ils ne connaissaient pas ces grands frères-ci, comme maintenant ils le connaissent maintenant, vous savez ce qu'ils disaient? Vous savez, quand ils étaient petits, ils portaient les planches ensemble. Ils montaient à l'épuisure ensemble. Waouh. Quand l'heure arrivait, il dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Le grand frère de l'autre là était fini. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il a commencé à faire comme cela. Les gens sortaient, les démons sortaient, on le voyait, on criait. Waouh. Alors, ça, je ne dis pas que c'est écrit dans la Bible, c'était seulement pour vous conditionner, pour que nous comprenions, nous avançons, d'accord? Alors, les autres services, vous dites que, vous êtes sûr que le gars, si, ça, ce sont ses frères avec ses soeurs. Vous êtes sûr que le gars, si, il est la même famille que nous. La Bible déclare dans ce livre de Jean, chapitre 7, ils sont venus donc en délégation voir Jésus-Christ. Ils disent que, ok, tu dis que tu es messie, non. Va aussi, présente-toi à la foule. Parce que personne, s'il veut parler au monde, ne fait les choses en secret. Va donc que tes disciples te connaissent. La Bible dit que, parce que même ses propres frères ne croyaient point en lui. C'est ce que la Bible dit, frère. Subitement, après la révélation de la personne de Jésus-Christ, tous ont cru. Ah, c'est merveilleux, pas vrai? Tous ont cru. Voici son frère devant qui écrit. Maintenant, celui qui disait donc que, va donc te présenter alors, et qui ne croyait pas, le voici, il s'appelle esclave de celui-là. Vous savez, je vais parler de la connaissance de la personne de Jésus-Christ pour s'y soumettre à lui. Si on ne connaît pas, tu vas commencer à dire qu'il est qui? Il s'appelle Jésus. Qui est le Fils de Dieu? Qui est le Sauveur du monde? Mais tu ne l'as pas rencontré. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait connaître. Quand il s'est fait connaître, tout genou fléchit tout simplement. Quand il s'est fait connaître, tu deviens seulement petit. Quand il s'est fait connaître, quand il s'est fait connaître, pas que Seigneur, je t'ai donné ma vie. Ça montre que tu n'as rien à voir avec lui. Seigneur, je t'ai donné ma vie. J'ai décidé de te donner ma vie. Ça veut dire que clairement, frère, souvenez-nous de cela. Ça veut dire que tu n'as pas de relation avec lui. Je t'ai donné ma vie. Ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ça montre que tu n'as pas de relation. Ceci aussi peut choquer. Comment, frère? Que tu n'as pas encore donné. Ça, en fait, tu ne peux même pas donner. Parce qu'il n'y a pas de vie que tu peux donner. C'est la mort. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il est mort. Et je t'ai donné ma vie. Alors, voici c'est Jésus donc. Arrête ça, je t'ai prévenu aujourd'hui. Arrête ça. Frère, laisse-le. Laisse-le, viens t'asseoir ici. Assieds-toi ici. C'est pas moi qui ai fait que tes amis ne viennent pas jouer pour que tu joues ensemble. Assieds-toi ici, tu suis. Assieds-toi là-bas, tu t'étais. Voilà. Où est ta Bible qui est souvent ici même déjà? Prends, assieds-toi. Prends ta Bible. Tu ouvres Jacques là-bas. Assieds-toi ici. Voilà. Qui t'a tapé? Hein? Ouvre Jacques. Voilà. On va lire. Jacques chapitre 1. Ça va alors. Ça va. Donc, Jacques se présente maintenant comme esclave du Seigneur Jésus-Christ. Il ne l'appelle pas seulement Jésus-Christ comme quelqu'un avec qui ils ont grandi ensemble. Il l'appelle Seigneur. C'est quoi un Seigneur? C'est un dominateur. Celui qui a la primauté. Celui qui a la prééminence. Celui dont on reconnaît la souveraineté. Donc, il commence à reconnaître maintenant. Il dit qu'il est esclave de ses dieux. Donc, il savait que son frère était son dieu. Amen. Maintenant, il dit que, verset 2 maintenant, regardez bien. Écoutez très bien, nous sommes à l'étude du livre de Jacques. Comptons vraiment sur le Seigneur pour nous y guider. Comptons vraiment. Donc attendons-nous à quelque chose, d'accord bien-aimé? Mes frères, regardez comme un sujet. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Je peux travailler ici? Ça ne va pas, tu sois avec tes enfants. Ok. Arrête ça. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet. Souvenez-vous de ceci. Lorsque cette chose-ci est prêchée, il ne faut pas qu'il y ait des perturbations. Parce que de ce de quoi il est question et toutes les choses qui peuvent s'entourer. Donc, s'il continue avec eux, tu rentres chez toi. Donc, maintenant, la Bible déclare, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Arrêtez-nous ici et regardons ces versets. Celui qui est esclave de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ l'a fait prisonnier. Et c'est sûr donc qu'il a reçu les enseignements de ce Jésus-Christ-là. Maintenant, il peut donc exhorter les autres. Il dit, mes frères, regardons bien, mes frères, regardez. Observez, frères, le langage biblique. Très souvent, vous allez voir, les apôtres vont dire, nous avons été tous baptisés dans un seul esprit. Vous entendez ce langage, n'est-ce pas? Il ne dit pas que vous avez été tous baptisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la première prononciation, il s'inclut lui-même. Donc, il n'est pas exclu de ce groupe-là. Vous entendez là, n'est-ce pas? Il dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Nous avons été abreuvés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, il ne s'exclut pas du corps. Lorsque vous commencez à comprendre, quand vous lisez votre Bible, vous voyez que l'apôtre dit nous. Observez et comprenez la dimension de ce qu'il est en train de dire. Lorsqu'il dit vous, il donne les injonctions. Et que ça, il exclut là, ça se trouve maintenant à un autre niveau. Il dit, mes frères, regardez. Cette fois-ci maintenant, est-ce qu'il s'inclut? Il ne dit pas, mes frères, non, souvenez-nous. Tu voulais poser une question? Dans ce que vous étiez avec vous, oui. J'ai eu un culte cet après-midi avec un catholique. Oui. Parce qu'il y a souvent une version qui dit que le Seigneur soit avec vous. C'est déjà de parler tout de suite qu'il s'inclut lui-même. Parce que le prêtre ne dit jamais qu'avec nous. Il dit que ce soit avec vous. Il est prêtre d'abord de qui? Bon. Ok, maintenant, donc, on avance ici. Donc il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. C'est pas encore fini, c'est la virgule. Maintenant, ça commence à poser le problème maintenant avec le christianisme moderne. Ce langage-ci est différent de la tonalité du christianisme qu'on a maintenant. Les gens du christianisme qu'on a maintenant, c'est le christianisme où Jésus-Christ a tout payé. On ne doit plus souffrir. On ne peut plus avoir de difficultés. Si tu as des manques, c'est parce que quelque chose ne va pas chez toi, il y a un péché chez toi. S'il y a un blocage, il faut chasser les démons du blocage. S'il y a le sommeil, pour faire une nuit de prière, il faut chasser les démons du sommeil. Donc on a créé les démons maintenant. S'il y a quelque chose qui ne va pas, alors il faut qu'on prie pour telle chose. Il faut chasser les démons de difficulté, les démons de persécution, les démons de tribulation. Pourquoi? Parce que Christ a payé, nous sommes victorieux pour toujours. Nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Nous régnons déjà. Le langage biblique est différent par rapport à ce qui attend les chrétiens avant qu'on ne quitte cette terre-ci. Il dit, regarde, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Deux injonctions sont dites aux chrétiens et en troisième lieu maintenant, une recommandation. Deux injonctions sont dites aux chrétiens et en troisième lieu, une recommandation. Première injonction, nous devons considérer que les épreuves sont un sujet de joie. Nous devons regarder les épreuves comme un sujet de joie. C'est-à-dire, si les épreuves sont dans nos vies, nous murmurons, nous sommes en train de pécher. C'est-à-dire que si quelque chose arrive dans notre vie, si nous qui disons que nous sommes chrétiens là, nous n'avons pas compris ce que Le Saint-Esprit a dit dans ses Romains chapitre 8, verset 28, que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne se finit pas là, mes chers amis. C'est ici que l'évangile commence à être percutant. Il ne dit pas que... Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de point. Il dit, virgule. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc si dès le départ, il ne te connaît pas, oublie. Il n'a pas dit que ça concourt au bien de tout le monde. Il a dit de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui sont connus de lui de l'avance. Prédestinés avant la fondation du monde. Ça peut être choquant. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est ce que la Bible dit. Alors ces genre de personnes-là, il les donne la recommandation que si quelque chose arrive, soyez dans la joie. Alors manifestement, c'est une désobéissance notoire et directe des chrétiens aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est sous un mauvais enseignement. On est sous un mauvais jour que quand quelque chose nous arrive, on veut toujours et toujours que ça soit résolu. C'est-à-dire quoi? Les chrétiens de ce moment-ci ne peuvent pas supporter des épreuves. On n'est pas préparé pour endurer des difficultés. Imaginez seulement comment les gens ont dû payer de leur sang pour que nous parvenions à cette Bible-ci. La Bible qu'on a devant nous, nous assoyons ici comme ça aujourd'hui, lisant confortablement, assis dans les fauteuils aujourd'hui. Eux, ils avaient cela, ils écrivaient cela, ils avaient les lampes, de l'huile dans des canaux comme ça. Ils mettaient des lampes pour y écrire. Vous entendez, n'est-ce pas? Sur des maisons, ils avaient les torches comme ça, où on mettait des lampes pour que ça puisse briller. Nous avons la clarté aujourd'hui. Nous avons de la lumière aujourd'hui, pleinement bien-aimé. Nous avons la Bible aujourd'hui. Tout ce que Dieu nous demande, c'est qu'on la lise et on médite. On trouve encore à redire que Dieu exagère. Comme quelqu'un m'a posé la question pendant que je lui prêchais, il m'a dit pourquoi Dieu est trop exigeant comme ça. Que Dieu est trop exigeant. Il dit que tout ce qu'il a créé est parfait. C'est un Dieu parfait. Il ne peut qu'être demandé de la perfection. Il ne peut pas rabaisser au-dessus de ces standards-là. Donc, c'est à nous de monter au standard de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de descendre à notre standard. Il est descendu une seule fois. Il nous a enlevé de ces standards-là. Il est remonté vers le haut en disant qu'on suive cet exemple-là. Il ne descendra plus dans cette bourse, bien-aimé. Il ne descendra plus jamais dans cette bourse. Il l'a fait une fois pour toutes. Pourquoi? Pour nous faire sortir de cette bourse afin que nous participions à sa gloire. Donc il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Regardez bien ça. Regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être. Regardez bien. Ça veut dire que j'ai les épreuves, je dois me réjouir. Vous comprenez maintenant dans cette intention qu'on a lu la dernière fois, il a dit que réjouissez-vous toujours. Oui, n'est-ce pas? Réjouissez-vous dans cette intention qu'on a lu la dernière fois. Il dit réjouissez-vous. Pourquoi on doit se réjouir? Comment est-ce qu'un être humain qui s'ouvre peut se réjouir? Comment? La question commence. Alors, la réponse est au niveau du premier mot. Il a dit mes frères. Donc, il parle aux frères, pas à tout le monde. Alors, si tu es frère de la bonne façon, remarquez très bien ce qu'il dit dès le départ. J'ai dit que souvent, les apôtres utilisent ce langage-ci. Ils disent regardons. Ils peuvent dire regardons. Considérons. Il s'inclut lui-même. Il s'est dit regardez. Il a déjà passé sa part. Donc, il sait de quoi il est question. Maintenant, il vous dit seulement. Il vous donne donc seulement les ordres. Il vous donne seulement que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Vous suivez, n'est-ce pas? Quand il va s'agir de la tribulation et des persécutions, remarquez dans ce chapitre 14, à partir du verset 22 et 23, lorsqu'il va nommer les anciens de l'église, il va les exhorter en disant que vous savez que ce n'est pas beaucoup de persécutions et des tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Donc personne n'est exclu. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc personne n'est exclu. Alors, j'insiste sur le verset 2 et le verset 3 suivant là. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné les chrétiens sous un faux enseignement. On a eu des fausses bases que le chrétien ne doit plus souffrir. C'est du mensonge terrible. Alors les chrétiens commencent à chercher des facilités. C'est pour ça que les gens peuvent aller corrompre pour avoir des concours. Corrompre sur quelque angle que ce soit, parce qu'il veut être en haut. Alors on va adjoindre à ces genre de choses-ci. Tu seras à la tête et non à la queue. Tu seras en haut, jamais en bas. Tu ne seras jamais malade. Conséquent, même dans ces dimensions, quand quelqu'un est malade, tu le regardes et dit que non, tout va bien. Pourtant, il est malade. D'autres meurent même comme ça, comme les chiens, c'est parce qu'il est mort. On dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non, ce n'est pas lui qui a repris ce moment-là. L'ignorance. Donc, il faut que les chrétiens s'arment. C'est ce que exactement ce que 1 Pierre chapitre 4 dit le verset 1. Souvenez-vous, quand on est en train d'étudier la Bible là maintenant, souvenez-vous, pour ceux qui ne savent pas là, sont pas là depuis, comme on est en train d'étudier la Bible, je vais faire tout et tout pour ne pas aller lire l'autre Bible. Je peux vous les citer tout simplement et donner comme ça pour les mettre. Parce que si je sors, ça va m'entraîner. Je connais ces choses-ci. Si je sors un peu, ça va m'entraîner. Ils vont commencer à me balader comme ça. Donc, je donne seulement là. Je donne là, mais je reste dans le livre. D'accord? Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 1, la Bible déclare que Christ lui-même a souffert, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous avez lu ça? Il dit Christ lui-même a souffert. Et il a fait quoi? Il a fait quoi? Vous me suivez, vous tous là? Christ lui-même, ayant souffert, il nous a laissé quoi? Pour que nous fassions, nous suivons ses traces. C'est ce que la Bible déclare. Donc, comme il a souffert, on est censé faire quoi? D'où vient-il donc cette doctrine-là que les chrétiens ne doivent plus souffrir? C'est écrit où? D'où est-ce que ça sort? C'est l'évangile de la chair. La satisfaction de la chair. Donc, cet évangile-là, dont vous avez entendu dans la Bible, que la Bible déclare que plusieurs vont venir, ils vont prêcher les choses dont les gens vont vouloir avoir la démangeaison d'entendre ce qui est agréable aux oreilles. Pourquoi? Parce que normalement, la souffrance n'est pas bien de dire à quelqu'un que tu vas souffrir. Est-ce que c'est bien à quelqu'un d'entendre que tu vas souffrir? C'est-à-dire que quelqu'un vient profiter que mon gars, dans 8 ans encore, tu as encore une souffrance encore pour 8 ans, dis 8 ans, ça fait 365 jours. 365 jours, c'est les années bisectives, 366. Comme ça, 8 ans encore. Donc, mieux, il n'entend pas ça. C'est n'est-ce pas? Donc, le chrétien de ce moment, ce n'est pas préparé. Mais maintenant, vous qui, ceux qui écoutez maintenant, préparez-vous à souffrir. En fait, si vous ne voulez pas préparer à souffrir, fuyez la souffrance, on voit. Il dit, si vous ne voulez pas fuir, vous ne voulez pas souffrir, fuyez la souffrance, on voit. Parce que de toute façon, on pourra fuir de sa présence. Amen. D'accord? Donc, n'allez pas croire qu'un chrétien ne doit pas souffrir, non. Un chrétien ne peut pas être malade, non. Ne croyez pas des bêtises comme ça. Le fait que tu... Écoutez bien ceci. J'ai compris que quand on dit comme ça, que les gens... Quelqu'un croit que... C'est dans ce sens que nous avons vu ici la pensée positive et la confession de la foi la dernière fois. Les gens croient peut-être que le fait que je crois, ça fait que la maladie vient de moi. Non. Nulle chose ne peut arriver dans ma vie si Dieu ne l'a permis. Nulle. Est-ce que vous comprenez? Il dit, aucune chose ne peut arriver dans ma vie sans que Dieu l'ait ordonné. Donc, ce n'est pas que c'est quoi malade. Alors, conséquent, dans ce genre d'évangile, on vous dit que tu es pauvre parce que tu l'as voulu, parce que tu as la mentalité de pauvre. Or, la Bible déclare qu'en disant comme ça, il en est d'outrager celui qui l'a fait, parce que là, celui qui outrage un pauvre outrage celui qui l'a fait. Donc, il dit que Dieu a la mentalité de pauvre. Ok. Essaye d'aller prêter-moi la veste. Tu regardes dans le miroir comme les autres, tu regardes dans le miroir. Je suis riche. Sors, tu vois l'argent, il voit. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. La Bible a donné une orientation. Vous savez, d'où ceci, cherche aussi en train de venir, on est en train de mettre les techniques mondaines dans les choses de Dieu. C'est là où vous allez commencer à voir les techniques managériales, la technique de leadership, le séminaire sur le leadership. Ce sont des choses qui sont étrangères à la Bible. Comment gérer les hommes? Il y a maintenant des groupes chrétiens qui sont spécialisés en ressources humaines. On a commencé à intégrer ça dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être prêchée par le Saint-Esprit. Et c'est uniquement les gens envoyés par l'Esprit qui doivent le prêcher. Ce n'est pas l'intellect. Il n'y a rien à copier dans le monde pour donner ici. Parce que ce que Dieu a donné est total et définitif. Et assez suffisant pour équiper les chrétiens. C'est n'est-ce pas? Donc les coups de leadership là viennent de Satan. Les coups de leadership, il n'y a pas de leadership ici. On va commencer à prendre Élisée. Il n'y a pas de leader dans la parole de Dieu ici. Il n'y a pas de leader. Il n'y en a pas. Il n'y a pas cette pensée là chez Dieu. C'est n'est-ce pas? On ne peut pas former des leaders, ce n'est pas possible. Je recommence encore ça. On ne peut pas former des leaders, ce n'est pas possible. Parce que chaque membre du corps, c'est Dieu qui impacte ses grâces et ses dons selon les moyens, selon ce qu'il veut par rapport à lui, son travail. Ce n'est pas un homme qui les forme. Est-ce que c'est ici? Dans une entreprise, les directeurs des ressources humaines là-bas regardent le personnel, regardent les nécessités et autres là-bas et commencent à lancer maintenant le concours par exemple pour pallier au vide pour là-bas parce qu'ils ont un objectif bien à atteindre dans cette entreprise. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Son plan est établi depuis l'éternité. Et il a choisi d'avance les gens qui doivent l'accomplir. C'est là ça. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui dit que on va tomber en faillite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher qui? Ouais, le gars, peut. Attends, Michael, on peut prendre celui-ci. Je crois que dans son CV, c'est quoi? Elle a péché trop, d'autres n'ont pas trop péché. Prenons. Non. Ah non, Dieu n'est pas comme ça. Avant de dire que la terre soit, il savait qu'il serait ici en bleu aujourd'hui. C'est ici, n'est-ce pas? On dit donc qu'il connaît la fin de toute chose avant son commencement. Donc Dieu n'est pas surpris dans son plan. Comme quelqu'un qui ferait une maison, ça va parce qu'il a dit que non. C'est parce que le poids des charges de la porosité de la terre n'était pas bon. C'est pas ça. Dieu ne fait pas comme ça. Ce sont des hommes qui veulent travailler chez Dieu en utilisant Dieu comme ses serviteurs. Ce sont les êtres humains qui veulent faire cela. Dieu n'est pas comme ça. Et quand ils sont en train de faire comme ça, ils sont en train de travailler pour l'église de Satan, pas l'église de Dieu. Parce que l'église de Dieu a sa direction, a ses directives, c'est conduit par le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un n'est pas la position appelée de Dieu, qui quitte seulement cette position? Ou bien il entre service Satan? C'est n'est-ce pas? Ok. Alors, il dit ici, mes frères. Donc, il s'adresse aux chrétiens. Donc, il s'adresse pas à n'importe qui. Il dit aux chrétiens, mes frères. Il dit, regardez, comme un sujet de joie. Ça veut dire que si quelqu'un t'a trompé, que tu ne dois pas souffrir, que tu ne peux pas avoir les épreuves, qu'il y a les épreuves qui arrivent parce que Dieu dit qu'il faut que tu regardes ça comme un sujet de joie, qu'on se réjouit. En fait, pourquoi il va dire cela, le verset suivant? Souvenez-vous, le verset 2 n'est pas fini, parce qu'il y a une virgule. Je vais recommencer donc et passer au verset 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, pas seulement la joie. La joie complète. les diverses épreuves. Vous avez remarqué que les épreuves et diverses sont au pluriel. Donc, ça veut dire que pour chacun, Dieu a une infinité de façons de l'éprouver. Il y a une infinité de façons. Donc, ta façon ne sera pas ma façon. Pour Job, ne sera pas comme pour le pape, pour Paul. Pour l'apôtre Pierre, ne sera pas comme pour Philippe. Pour Barthélemy, ne sera pas comme pour Étienne. Vous avez remarqué, Étienne est le seul qui a été lapidé comme ça, de cette façon-là. Si vous comprenez, pour qu'il puisse être couronné comme le nom le dit. Amen. Donc chacun a sa part. Quelqu'un dit que comme tu dis à ton voisin que comme tu vas chez le coiffeur, tu négocies ton prix. Avec la dimension de ta tête et la quantité de tes cheveux. Ainsi en est-il des diverses épreuves. Tu as ta quantité réservée. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est le distributeur des persécutions. Oui, il est le distributeur des persécutions. Alors, non, je ne souffrirai. Vous avez moi? Non, je ne souffrirai jamais. Oh, je ne manquerai de. Pourquoi? Le Dieu des miracles. Oh, le Dieu des prodiges. Le Dieu des miracles. C'est mon papa et non, je ne souffrirai jamais. Je ne manque. Ma sœur, arrête ton miracle. En chantant comme ça, là, ça va venir. Le Dieu des miracles. Frère, la religion a fait inspirer des musiques anti-bibliques qui ont des sonorisations émotionnelles. Donc, pour la satisfaction de la chair. Donc, vous savez, ce chant-là est contraire à la parole de Dieu, bien que ça a des langages bibliques. Vous comprenez? Non, je ne souffre. Non, je ne souffrirai jamais. Donc, il dit clairement ici là que. Prenons un exemple. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, que j'ai cité tout à l'heure, que Jésus a souffert, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces dans la souffrance. Quelqu'un chante quelque chose, que non, je ne souffrirai. Donc, je refuse ce verset-là. Il veut dire que Pierre laisse l'affaire là. Que Pierre laisse ça, c'est son problème. Moi, je ne dois pas souffrir. Il dit pourquoi? Parce que le Dieu des miracles. Donc, le Dieu des miracles d'aujourd'hui, là, c'était le Dieu différent que les Pierre servaient. Il dit qu'il ne peut manquer de rien. L'apôtre Paul dit que nous souffrons des manques. Donc, l'apôtre Paul a souffert le manque. Pour aujourd'hui, là, Dieu a changé. Alléluia. Mm-hmm. Donc, Dieu a changé. Quelqu'un dit en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Donc, le Seigneur Jésus-Christ veut que nous comprenions quelque chose. D'accord, bien-aimé? Souvenez-vous que la Bible appelle les chrétiens des soldats, n'est-ce pas? La Bible appelle les chrétiens des soldats. Ok, maintenant, si vous commencez à regarder ce qu'on appelle soldats dans le monde séculier, c'est-à-dire dans notre monde, vous avez les frères qui sont dans la police, dans la gendarmerie. On ne les prend pas à rouler dans les tenues, frères. Ils sont éprouvés. Ils passent par des formations difficiles pour changer les mentalités. Alors, quelqu'un qui était comme un ton ami, qui riait, il rentre là, il était un faiblard. Il parle, il rentre comme ça là. Tu peux lutter avec lui jusqu'à demain. Qu'est-ce qui ne va pas avec celui-ci? On lui a inculqué une autre mentalité. Alors ainsi, les chrétiens, lorsqu'ils passent par les épreuves, ça a un but. C'est la formation militaire chrétienne. C'est pour les inculquer la mentalité des vainqueurs, de ceux qui ne murmurent pas, de ceux qui tiennent ferme, des résistants. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Vous savez, il y a un temps où les gens qui connaissent, qui ont fait l'école et qui se vantaient avec les muscles là, vous savez ce que vous faites, c'est pas comment vous appelez encore ceci, bras de fer. Vous savez, il y a des gens, quand ils déposent la main comme ça, ils disent que, mais, ils te mettent ça comme ça, là, ils disent pousse. Tu pousses jusqu'à ce que tu peux, tu pousses, ils disent, voici ta main, mets ça là-bas, ils te donnent 10 000. Tu pousses. Quand tu pousses jusqu'à ce que la sueur est finie, ils commencent à faire comme ça, en parlant. Tu vois, tu résumes avec deux mains, ils commencent à partir. Pourquoi? Ah, parce qu'il a cultivé la résistance. Il a cultivé la résistance. Quand tu viens avec la force, comme tu n'as pas été préparé par rapport à ça, tu ne t'es pas entraîné à cela, tu crois qu'en faisant ça, oh, tu fais ça, plus tu fais, plus tu diminues, plus tu fais diminuer ta force. Le moment arrive, il fait comme ça. C'est exactement comme ça. Tout chrétien qui n'est pas entraîné par la façon de Dieu va succomber à la tentation, aux premières tentations. Tout chrétien. Je vais prendre deux exemples là maintenant. Supposons qu'on ne vous a pas dit que la façon des chrétiens de vivre hors du monde, c'est que on doit s'éloigner du monde, du principe du monde. Voici le principe du monde. On lance un concours, il faut que je puisse acheter le concours. Vous savez, n'est-ce pas, c'est le principe du monde. Pourquoi? Alors si on achète le concours, moi je suis chrétien, si je ne connais pas cela, comme tu as commencé avec le concours, tu es à même de te comprendre n'importe où sans t'en rendre compte. Parce que tu n'as pas été préparé. C'est n'est-ce pas? Donc tu peux aller n'importe où te compromettre. Même pour ton enfant, tu peux dire que non. Le maître dit que l'enfant n'est pas bon pour aller au cours préparatoire. Tu dis, oh non, sinon ton enfant, on ne peut pas faire comment. On va faire comment? Tu es un chrétien. Tu ne sais pas toi ce que c'est mauvais. Or tu fais comme les autres font. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas entraîné ainsi. On ne t'a pas entraîné que ces choses-là ne doivent pas être faites. Même s'il faut que l'enfant fasse 8 ans là-bas, il faut qu'il fasse 8 ans, mais qu'il sorte de la bonne manière. C'est ici. Deuxième chose, prenons les gens qui font de l'argent, ils épargnent. Alors que là, tu dis que tu fais quoi? Je garde l'argent comme ça parce que demain peut être mauvais. Il faut que je garde l'argent. Mon enfant va grandir quand il sera docteur. Il faut qu'il fréquente sauf qu'il ouvre même son dos, sa clinique. Si tu commences à te poser la question, je parle du chrétien là. Si tu commences à te poser les questions, tu vas remarquer très bien que, si tu te poses la question de la bonne manière, cet enfant n'est pas venu, ce n'est pas toi qui as voulu que cet enfant vienne. Ce n'est pas toi qui as le contrôle du souffle de cet enfant. Tu ne sais même pas ce que l'enfant est censé faire plus tard. Mais tu as gardé l'argent pour lui. Pendant que tu as gardé l'argent, d'autres sont de souffrir. Ils pouvaient avoir cet argent pour grandir. Or, qu'est-ce que le principe de la Bible déclare? La Bible dit que jette ton pain sur la surface de la mer. Avec le temps, tu la retrouveras. Celui qui arrose sera arrosé. C'est le principe de Dieu, ça. Si tu n'as pas été entraîné comme ça, tu seras dans le corps de Christ. Tu vas croire peut-être que, comme tu as ton argent, c'est ton argent. Tu ne comprends pas que c'est pour Dieu. C'est pour s'aimer pour Dieu. Et s'aimer pour Dieu, c'est dans les vies des êtres humains. Si tu n'as pas été entraîné, tu vas entendre aller quelque part, on va te dire que donner 500 000, je vais être les gens qui vont s'aimer 300 000 ici pour l'église, pour qu'on construise l'église. Si tu ne connais pas que l'église, ce n'est pas une construction, tu vas les donner croyant que tu as servi pour Dieu parce que tu n'as pas été entraîné. C'est n'est-ce pas? Donc l'entraînement des chrétiens, c'est les diverses épreuves. C'est l'un des moyens d'entraînement là-bas, l'un des techniques de Dieu d'entraînement. L'entraînement de Dieu est fait dans la nature avec les êtres humains, pas dans une école assis en écrivant. L'entraînement de Dieu est fait dans la nature, avec la confrontation, avec les difficultés, avec la réalité. Dieu te met dans le tas, il te forme dans le tas. Pas assis dans une salle, à Guantanamo, pour étudier. Vous savez, Guantanamo, c'est au sens propre maintenant. Dieu n'englobe pas les gens, n'entoure pas les gens avec les fils barbelés. Vous savez, les fils barbelés, vous savez, les fils barbelés, Réma Ministry, il n'entoure pas ces gens avec ces fils barbelés. Jamais. Lui, il entoure les gens avec le vent de la liberté. La liberté. C'est n'est-ce pas bien aimé? Ok. Donc, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Alors, ça veut dire que si tu as été éprouvé et que tu as fait, il faut que tu te répandes. Si n'importe quelle situation qui t'est arrivée dans la vie, tu as murmuré, il faut que tu te répandes. Parce que tu n'as pas compris que c'était Dieu faisant. Vous me saisissez, frère. Ne vous fâchez pas, d'accord? Amen. Et tout ça, même si vous fâchez, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la Bible, là. Alors maintenant, quand vous regardez ici, vous dites, les simples bonnes questions, si vous posez les bonnes questions, vous allez avoir de bonnes réponses dans la Bible. Et je veux que quelqu'un se lève ici, me dise si oui ou non, il a choisi de naître dans la famille où il a décidé, là où il est. Quelqu'un a choisi de naître dans sa famille? Ok. Quelqu'un a choisi de naître le sexe? Quelqu'un parmi vous ici a choisi son sexe? Vous avez choisi, vous n'avez rien choisi. Même le simple sexe là, vous n'avez pas choisi, décider d'être femme ou homme. Ok. Je recommence encore la question, je vais continuer. Quelqu'un parmi nous ici a-t-il choisi le teint de sa chair? Non. Ok. Quelqu'un a-t-il choisi sa taille? Sa langue? Frère, quelqu'un l'a choisi, tout ce qui est désigné, quelqu'un a choisi ça pour vous. C'est ça. Il dit, quelqu'un a décidé que tu seras noir. Va dans le miroir et dis que, ouais, comment je suis noir comme le monde, change la couleur, on voit, non. Ouais, là, n'est-ce pas? Vous dites, oh, vous savez, j'avais mon frère, il avait le copolio. Vous savez comment ça s'appelle le copolio? Vous savez le copolio? Le copolio, c'est quand ta tête sort un peu comme le mouvement, comme ça, là. Vous savez, il était à l'école normale. J'ai fait comme ça parce que c'est que vous êtes endormi, là, vous allez comprendre. On va lire, nous sommes encore verset 3. Il est à l'école normale, vous appelez Eniège. Il rentre, vous savez, bleu, kaki là. Il rentre, les élèves sont là. Vous savez, il vient donner les biscuits. Quand il donne les biscuits, les élèves ne voient pas le copolio. Les élèves ne voient pas le copolio. Alors maintenant, le voici qui a le copolio, son ami a la grosse tête. Donc le maître là, c'est quand même curieux avec eux, d'accord? Alors il a le copolio. Quand il marche, vous voyez le gobo derrière comme ça là. L'autre a la grosse tête. C'est inversement proportionnel à son corps. Il donne les biscuits, donne les biscuits. Un jour, là, il n'a pas de biscuits. Alors, le jour qui vient maintenant, les élèves couvrent, ils disent, mais c'est quoi avec vous? Alors maintenant, les élèves regardent pas derrière, ils voient Ngbobo. Ils disent, monsieur Ngbobo, monsieur Ngbobo. Monsieur Ngbobo, c'est lui qu'on a dit. C'est lui qu'on a dit de te fâcher. C'est lui qu'on a ciblé. Monsieur Ngbobo, monsieur Ngbobo. Alors, il connaît un principe. Vous savez, c'est eux qui font sociologie, des effets de masse. Quand les gens savent que si tu dis quelque chose, ça te blesse. Si tu essaies d'insister, c'est que ça va devenir ton nom. Il fait comme il ne voit pas. Vous voyez, il fait comme s'il n'entend pas, mais ça le touche parce qu'il est le Ngbobo. Il va voir son ami, il dit que monsieur X, comment je vais faire? Les enfants ont commencé à me parler que monsieur Ngbobo, monsieur Ngbobo, monsieur Ngbobo. Il dit que mon frère, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà le Ngbobo direct à tête. Donc il a seulement posé la question. Oui ou non, tu as le Ngbobo? Il a dit oui. Alléluia. Tu as le Ngbobo. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer? Il y a le Ngbobo. C'est-à-dire accepte le nom. Amen. Alors, tu es femme. Tu n'as pas décidé d'être femme. Tu es sorti dans une famille claire. Tu n'as pas décidé d'être sorti. Peut-être ton père était un franc-maçon ou bien un rosicrucien. Tu n'as pas choisi. C'est lui qui t'a accouché. Monte de ça que mon père est un sorcier. Tu ne peux pas rentrer là-bas, vous rentrer là-bas. Non, ce n'est pas très choisi. Quelqu'un dit Dieu choisit toutes choses. Dieu prédestine toutes choses. Et toutes choses fonctionnent selon son ordre. Voilà. Alors maintenant, regardez bien maintenant ce que ça implique. Si Dieu a choisi ta taille, la couleur de tes yeux, le nombre de tes, parce qu'il a dit que même les cheveux de vos têtes sont tous cons. Mais il a pris la minutie dans son état de minutie pour compter tout cela. S'il a fait tout cela, vous pensez que c'est les difficultés de votre vie dont il ne prend pas en considération? Vous pensez qu'il est entré au niveau de votre famille, de ta taille, de ton sexe, de ton âge, de quand tu vas naître, quand tu vas mourir? Vous pensez que quand tu vas naître, il a prévu. Quand tu vas mourir, il a prévu. Il n'a pas prévu les étapes, les choses qui vont se passer entre ces deux étapes. Il n'a pas prévu ça, frère. C'est cette ignorance, parce qu'on ne pose pas cette question, ce qui fait qu'on commence à murmurer. Si tu sais que tu n'es pas venu ici par toi-même, alors la seule chose à faire, c'est, si je ne suis pas venu par toi-même, mais pas moi-même, pourquoi cette personne qui a décidé qu'il vient ici-là, qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Voilà les questions qui orientent notre destinée. Voilà les questions qui orientent notre destinée. Lorsqu'on élève ce genre de questionnement, alors, lorsqu'il commence à donner la révélation, vous commencez à dire que Seigneur, c'est ce que tu veux. Seigneur, ce que tu veux. Seigneur, ce que tu veux. Seigneur, ce que tu veux. Seigneur, ce que tu veux. Pour avancer dans la destinée. Vous voyez là, n'est-ce pas? Seigneur, ce que tu veux. Ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce qu'il a dit que sa volonté doit être faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Donc, il n'y a pas l'évangile au ciel parce que le ciel est en règle. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est ici sur la terre qu'il en est de redresser les gens par la parole. Vous entendez, n'est-ce pas, frère? Alors, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie chrétienne? Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai décidé de lui offrir telle chose. J'ai décidé. Qu'est-ce que lui, il a dit? Donc, comprenez toutes ces choses, frère. Il faut qu'on se soumette sur la puissante main de Dieu. D'accord? Donc, il faut qu'on fasse la bonne prière. Seigneur, pourquoi j'ai été créé? Pourquoi tu m'as mis dans cette famille? Pourquoi tu as permis que telle chose m'arrive? Voilà, n'est-ce pas? Alors, comment ça suit cette direction-là? Il faut que les réponses à cette question-ci. La première des questions, c'est pourquoi suis-je là? Si on a ces réponses à cette question-ci, ça donne l'orientation de notre vie. Alors on commence à comprendre donc que c'est dès normal que telle chose arrive. On commence à comprendre que c'est dans les ailes de l'aigle que Dieu a de nous conduire, exactement comme il a pris les Juifs en Égypte. Les difficultés qui arrivaient, Dieu avait prévu ça dans son plan pour les nettoyer. Pour les nettoyer, pour extirper les pensées des concombres et de Mbongo Tchobi de l'Égypte qui était dans leurs pensées. C'est pour cela qu'il est fait passer par là-bas. Et la suite a donné raison à Dieu. Quand tu murmures, Dieu ne voit-il pas? Quand quelqu'un donne son témoignage, Dieu m'a béni. Tu rentres à la maison comme ça, quand on appelle, tu veux régler le compte de Dieu là-bas dehors. Que depuis que je suis là, cette soeur est venue comme ça, elle a son mari. Moi, je suis là depuis, je cherche mon mari. Vous êtes venus ensemble? De la même famille? Non. Même jour? Non. Même couleur des yeux? Non. Même nombre de cheveux sur la tête? Dis à ton voisin, ça dans ce cas, ce n'est pas la même destinée. Amen. Ok, verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, frère, vous avez vu pourquoi nous sommes handicapés, n'est-ce pas? Donc, les épreuves ont leur but, leur objectif. Il dit l'épreuve de votre foi. Il ne dit pas qu'il en est d'éprouver la chair. Il éprouve quoi? C'est quoi la foi? Il nous a mis donné la définition de Hébreu chapitre 11 maintenant. Voilà, maintenant, nous y voilà, ça c'est la religion a commencé. Maintenant, il dit que l'épreuve de notre foi, c'est-à-dire que vous dites que vous croyez, ok, je vais te laisser dans ce désert pour voir vraiment si tu peux savoir qu'il peut frayer un chemin dans le désert, si c'est vrai pour vous. Vous avez lu ça dans votre Bible, n'est-ce pas? Il fait un chemin dans le désert. Il cherche le désert en étant, pas vrai? Il laisse donc là où il y a la soif. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Il a dit que l'homme ne vivra par la peur, mais toute parole qui sort de la bouche des... Ok, maintenant, te voici donc dans le moment de soif. Sa parole dit qu'il ne te laissera pas dans la soif parce qu'il va créer le temps, là où il y a le désert. Parce que le temps, c'est là où il y a l'eau. Dans le désert, parce que la seule chose que quelqu'un peut avoir de bénéfice vraiment dans le désert, frère, c'est l'eau. Voilà, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'il te fasse parler pour que tu saches si cette parole si est vraie. Alors, toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole de Dieu est éprouvée. Vous dites, non, l'ange de tenir camp autour de ceux qui le craignent. Vous dites, l'ange de tenir camp autour de ceux qui le craignent. Ok. Il tient le monde entièrement dans sa main. Donc, le mal se passe comme ça, dans ses mains. Ça entend ça, n'est-ce pas? Donc, il voit, il décide d'agir comme il décide de ne pas agir. C'est ça qu'on appelle le souverain. Alors il te laisse un peu, Satan étant la main sur toi, comme il a laissé Satan étant la main sur Job, pour voir si tu peux toujours avoir confiance. Le but de cette touchée de Satan, c'est pour voir si tu tiens ferme à ta confession. Vous entendez, n'est-ce pas? Il faut que l'épreuve de votre foi, donc souvenez-vous que chaque chose qui arrive, c'est pour éprouver notre foi. Alors maintenant, si c'est pour éprouver notre foi, ça suppose que c'est lié à la parole. Parce que la foi doit venir de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'épreuve donc est comme un test de notre croyance dans la Bible. L'épreuve, les diverses épreuves qui surviennent dans la vie chrétienne sont des tests directs à ce que nous avons entendu et lu. C'est les épreuves, les diverses épreuves dont parle la Bible, ce sont des tests. C'est-à-dire que vous allez à l'école, on vous donne des cours, on vous donne des cours. À un moment donné, on dit donc que c'est le moment de composition. C'est comme ça. Alors, on vous donne les épreuves, on appelle ça épreuve des mathématiques, épreuve des psychotechniques. C'est pas vrai? On t'éprouve. Pour voir si tu as assimilé. C'est ça, frère. Le problème, là, c'est qu'avec vous, les humains, on a le temps, le calendrier. Quelqu'un dit le calendrier de concours. Amen. Calendrier d'examen. Amen. Voilà. Regardez. Dans l'école de Dieu, ici, il n'y a pas de moment de congé. Dans l'école de Dieu, il n'y a pas de calendrier de composition. Tous les jours, tu passes au test, tu composes. Tu passes au test, tu composes. Mais le problème, c'est que la majorité des chrétiens ne savent même pas s'ils ont zéro. La majorité des chrétiens ne savent même pas s'ils composaient. Dis à ton voisin, c'est l'heure de te réveiller. Je recommence encore. La majorité des chrétiens ne savent même pas qu'ils sont dans une composition. Que les épreuves sont là pour nous tester. Donc en voyant, on sort qu'on a insulté, fatigué. Vous dites, aujourd'hui, Seigneur, garde ma bouche. Garde ma bouche, que ma bouche ne dise pas de paroles mensongères. Que, oh Dieu, garde cette bouche, que ça proclame seulement ta bonté. Vous dites, c'est absolument ta bonté. Vous passez, vous êtes dans l'embouteillage. Vous entendez là-bas, tam tam tam tam, tam tam tam. En voyant que ta bouche a dit, aïe oué, aïe oué. Tu dis, hey, qu'est-ce que je fais? Où est-ce qu'on est là, frère? Tu as échoué le test. Vous dites, la bouche doit proclamer la bonté de l'Éternel. Aïe oué, aïe oué, tam tam tam tam. C'est pour lui ça. Vous entendez, n'est-ce pas? Je vais dire ceci. C'est pour ça que tous les éléments de notre vie qui nous entourent, Dieu les utilise pour nous éprouver, afin de nous parfaire pour son œuvre. C'est ce que nous dit, n'est-ce pas? Ok. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est à côté de vous, qui vous nuit, même si vous faites du bien, c'est un objet de test. C'est un objet de test. C'est un élément de test. Vous dites, je lui ai fait quelque chose, je fais toujours du bien, il me fait toujours du mal. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ok. Pourquoi cette personne-ci est là? Pourquoi cette personne-ci a ce caractère? Seigneur, change-le. Non, non. Ma soeur, ton frère, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, lui là, il ne peut même pas le convertir. Il ne peut même pas se repentir. Lui, je lui donne l'argent ici. Il me suit, il parle un peu comment il vole. Il ne peut pas se convertir. Cet élément-là, c'est pour le test. Pourquoi? Pour tester quoi? La patience, la persévérance, la bonté. Je fais du bien à quelqu'un, mais fais du mal en retour. C'est ici le test. Il faut qu'il teste ce verset qui dit que faites du bien à tous. Ouvrez, n'est-ce pas? Soyez en paix avec tous, autant que ça dépend de vous. Priez les uns pour les autres. Il faut que je teste ça, si c'est vrai. C'est-à-dire, si on peut toucher ton être propre, tu parles encore bien de cette personne. La Bible déclare, ne rendez pas le mal pour le mal. Ah, non, non, non, non, non, j'avais fait du bien, je lui ai fait du bien, il m'a touché. Ici, vous voyez ça, j'arrête. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Car nous moissonnerons autant convenant. Si nous ne nous lassons, tu es en train de faire quoi là, en essayant comme ça? En essayant de lasser. Donc, peut-être à un moment, tu devais moissonner tout ce que tu as fait, que tu as d'enterrer ta culture comme ça. Donc, tous les éléments qui nous arrivent dans la vie, soit bien, soit mal, surtout mal, parce que les biens, quand bien vient, on vient soulever la main, on se rend grâce à Dieu. Quand le mal arrive, tu vas entendre, quand on prêche comme ça, quelqu'un dit que prêche, tu prophétises rapidement pour qu'il sorte de cette situation. C'est-à-dire que les chrétiens du 19e, 20e et 21e siècle ont été préparés à ne pas souffrir. On leur a inculqué la mentalité des solveurs de problèmes. C'est-à-dire que en réalité, les problèmes sont les illusions. Il suffit d'être dans une dimension pour comprendre qu'il n'y a pas de problème. Dis à ton voisin, il y a la réalité des problèmes. Il y a aussi la confiance en Dieu qui résout les problèmes. C'est ça qui a attiré l'humanité dans une décadence de cette doctrine-là que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux confessés, parlez au problème. Où est là, n'est-ce pas? Je crois qu'on a étudié ça ici encore, n'est-ce pas? C'est ça qui a entraîné ces choses-là pour que vous voyez comment les êtres humains commencent à parler aux situations. Tu parles pour que ça change. Dieu n'a jamais ordonné ça, mes chers amis. Dieu n'a jamais ordonné dans sa parole qu'on parle aux situations pour que les situations changent. Il dit que tous ceux qui souffrent se soumettent entre les mains de Dieu. Si on n'a pas besoin, soumettre cela entre les mains de Dieu. Ne vous inquiétez pas pour cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok, maintenant, si tout problème dans ta vie, tu parles, ça change. Où est l'épreuve de ta foi? Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous voyez, n'est-ce pas? Autrement dit, vous dites, je sème le maïs aujourd'hui. Je viens. Je vais manger le maïs, je vais manger le maïs. Même si tu montes, tu descends. Il va falloir que tu sois patient par rapport à la période que tu as décidé que ce maïs va produire. N'est-ce pas? Même si tu voudrais manger le maïs maintenant, même si le maïs ne poussera pas parce qu'il y a un ordre par rapport à ce maïs-là. Ok, maintenant, puisque je vais manger le maïs et que ce maïs ne peut pas produire, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je sois patient. Il faut que je sois patient pour que ce maïs se pousse au moins au portail et manger le maïs. Donc le but des épreuves, c'est pour cela. C'est pour retenir les chrétiens, pour qu'ils ne vont pas dans les impasses de l'impatience. Vous entendez, frère? C'est-à-dire que ça nous pousse à l'humiliation et à l'humilité. Pour qu'on comprenne que nous ne gérons pas les situations qui nous arrivent. Pour qu'on comprenne que les murmures ne servent à rien. Donc plus tu as un problème, plus tu dépenses encore de l'énergie pour bavader, plus tu encore dépenses encore par rapport à ces problèmes-là. Autrement dit, mes bien-aimés frères, comprenons dès maintenant. Si même au sortir de ce livre, on peut au moins comprendre ceci. C'est qu'aucune chose n'arrive pour rien. Ça arrive pour notre bénéfice, même si c'est mauvais. Vous allez dire amen là. Vous allez entendre les plaintes dehors tout à l'heure en descendant les escaliers. Les plaintes tout simplement. Il dit que vous allez dire. Si il dit maintenant, ok frère, supposons maintenant, après il va dire vous réunir, parlons-en, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que frère, je souffre. Donc tu souhaiterais que frère, je envoie sa main de Dieu. Il enlève la souffrance, pas vrai? Dis à ton voisin, chacun a sa part à porter. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis chacun a sa part à porter. Peut-être ta part c'est dans le foyer. Peut-être ta part c'est dans le cœur. Peut-être ta part c'est dans le travail. Peut-être c'est ton voisin. Mais chacun a sa part. Souvenez-vous, il a parlé des diverses épreuves. Je vous ai dit que le simple fait que vous êtes né dans des familles différentes, des moyens différents, ainsi il y a les diverses épreuves. Dieu ne donne pas une même épreuve. Vous savez, l'épreuve de mathématiques, un professeur peut décider de donner une même épreuve chaque année. Il change seulement les dates. Dieu ne le fait pas comme ça là. Il a comme il est infini, il a une infinie de façons de traiter avec les gens. Infini. Personne ne passera la même épreuve. Vous entendez, n'est-ce pas? Même si ta mère meurt, vous dites que oh, elle meurt dans une tragédie accident, l'autre va seulement boire la cible. Donc faisons attention. Si nous avons été sur une mauvaise fondation où on croit qu'on ne doit pas souffrir, la Bible dit autre chose. Les souffrances et les épreuves. Ce que nous considérons comme souffrance, Dieu ne voit pas ça comme souffrance. Parce que si le Seigneur Dieu, les amis, voudrait éradiquer la souffrance sur la terre, il le fera. Parce que rien ne résiste à sa puissance. Mais s'il le laisse, c'est pour un but. Et les chrétiens doivent être les premiers à comprendre ce genre de choses-ci, ce principe-ci. C'est n'est-ce pas bien, mes frères? Ok, maintenant, regardez, mais verset 4. On va arriver aujourd'hui là. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement. Voilà. Voilà donc, frère, je crois que même ce livre-ci, même si on ne finit pas, regardez. Il dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est-à-dire quoi? Si les chrétiens ne sont pas matures aujourd'hui, alors ils ont échoué à tous les coups parce qu'ils ont refusé les épreuves. Suivez attentivement. Si les chrétiens ne sont pas matures aujourd'hui, si les chrétiens ne sont pas n'ont pas grandi dans la maturité spirituelle, alors, ils ont échoué aux épreuves qui doivent parfaire leur foi, parfaire leur patience. Alors, 99% des chrétiens sont impatients. On est d'accord? On est d'accord? C'est-à-dire, voici le signe de l'impatience. Je vais donner un seul signe, il y en a plusieurs. J'ai un problème directement, je vais devant Dieu, Seigneur, Seigneur, enlève ce problème, je te pose ce problème, enlève ce problème. Quand ça ne va pas à un moment donné, on dit qu'on prend autorité. Quelqu'un dit prend autorité. C'est-à-dire que chez les religieux de notre époque de 21, c'est prendre autorité, c'est-à-dire qu'on bavarde beaucoup en grondant. quand tu as fini de gronder, tu te fâches même de l'esprit ou bien de Dieu là. Quand tu tournes, le problème sera là. Donc, n'y a pas de ces choses de prendre autorité dans la Bible. D'accord? Sors avec cet enfant. Je crois qu'il faut seulement la délivrance là maintenant. Donc, Dieu a prévu dans son manuel de formation, dans son école de formation, la manière dont il recrute les gens. La manière dont il recrute les gens. Il ne lance pas un concours où il y a l'inscription à 500 francs. Vous entendez ça, frère? Il n'y a pas de CV de niveau bac, niveau CPE. Il t'est choisi avant que Charlemagne ne vienne donner l'école. C'est frère? Ok. Quand il t'est choisi, ce n'est pas par rapport à ton background, ni par rapport à ton niveau scolaire, ni par rapport à ta relation familiale, ni par rapport à ta filiation. Il t'est choisi parce qu'il l'a voulu. Point final. Quand il t'est choisi. Alors, il te destine en te traçant les passages qu'il veut pour toi. Vous entendez ça, frère? Dans ces passages, ça se passe étape après étape. Étape après étape pour grandir en maturité. Dans ce processus de passage d'un niveau à un autre, les compositions se passent par les épreuves. Alors, pour quitter des cils chez Dieu pour aller au CPE, on ne négocie pas. Il n'y a pas de raccourci. On ne triche pas. On n'arrondit pas les notes. Ce n'est pas possible de regarder chez le voisin. Chacun compose son épreuve. Et si tu ne composes pas ton épreuve de la bonne manière, 16 ans, tu seras à la cible, tu seras quand même à la cible. Alors, la majorité des chrétiens sont devenus des chrétiens obèses. Pourquoi? Vous savez, allez dans les villages, vous allez voir, quelqu'un va sortir, on dit qu'il est à la cible, il a la barbe comme ça. Il dit, oui, monsieur. À la cible. Là-bas, il est à ta. Pourtant, en ville, un enfant de 16, de 7 ans est au moins 2. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Déphasé par rapport à l'éducation. Donc, les chrétiens doivent comprendre que, étape par étape, on ne grille pas le mandat, l'étape avec Dieu. Observez cela maintenant, prenez cet exemple de la Bible et puis miratez ça avec les religions de cette époque. Quelqu'un aujourd'hui est ancien, demain il est pasteur, autre jour il est apôtre, un jour il est prophète. Ça se passe comment là, mes chers amis? Ça c'est l'école des hommes, pas vrai? Vous dites, comment tu deviens apôtre? Il dit que l'assemblée a se réunit, on m'a reconnu. On m'a donné le diplôme. Même il y avait même le docteur, telle personne là-bas. Tu ne sais pas qu'il est connu. Mais il a mis la main, il a mis l'huile. Tu es où un de petit glisse bien pour aller en enfer? Donc il faut qu'on regarde les choses de Dieu pour marcher comme Dieu veut. Il dit donc ici, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc Dieu a un but pour lequel il donne l'épreuve, parce que l'épreuve va engendrer la patience, va te permettre d'être patient. Et il dit que le but de ces épreuves, plus l'épreuve dure, plus il veut que tu atteignes parfaitement, parce que la patience est l'un des manifestations du fruit de l'esprit. Autrement dit, Dieu commence son œuvre en toi. Quand la vie de Dieu jaillit en toi, il veut que ces différents attributs de l'esprit puissent prendre vie en toi. Que ça se manifeste dans ta vie. Voilà pourquoi c'est l'une des exigences à ceux qui dirigent. Je dis ça. Ces qualités-ci, c'est l'une des exigences à ceux qui dirigent. D'accord? Ok, maintenant. Il dit, verset 4, regardez. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Par conséquent, mettons les jalons maintenant. Écoutez bien maintenant, regardez bien ici. Au début de notre vie chrétienne, on a un but pour atteindre, n'est-ce pas? La formation, ça se passe par quoi? Par les épreuves, n'est-ce pas? Dieu dit que ces épreuves-ci, le but, ce qui va en sortir, c'est quoi? La patience, n'est-ce pas? La patience. Donc, si tu passes bien les épreuves, tu seras véritablement accompli dans la patience, n'est-ce pas? Il dit que si cette patience est véritablement accomplie de la bonne façon, il dit quoi? Vous ne pourrez pas faillir dans l'accomplissement de votre mission. Donc en réalité, il faut qu'on prie pour avoir davantage d'épreuves. Vous voulez ça? Hein, ma soeur, tu as bien compris, tu dors seulement. Vous savez, on se réveille comme ça, on dit par réflexe, on dit Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Donc, les étapes dans ceci, tu ne peux pas avoir la patience. Seigneur, fais-moi d'être patient. Écoutez bien, peut-être, j'ai dit ça, vous dites que c'est moi qui suis en train de dire. Il y a des prières que vous faites, vous ne savez pas qu'indirectement vous allez demander quelque chose. Vous êtes, voici l'accomplissement ici, afin qu'on ne faillisse en rien. Seigneur, donne-moi de faire parfaitement ton œuvre. Vous êtes ici. Seigneur, donne-moi de faire parfaitement ce pourquoi tu m'as appelé. Ah, tu es tombé exactement dans la prière que Jacques veut. Alors, si tu veux faire parfaitement ce qu'il a demandé, il va te donner diverses épreuves. Parce que c'est sa façon. Il va te donner diverses épreuves parce qu'on ne brûle pas les étapes. Il a pris 40 ans pour former Moïse. Vous savez ça? 40 ans pour le former. Il courait derrière les moutons là-bas, courant partout là-bas. Le moment est arrivé, il l'a envoyé dans le champ de mission. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant, regardez. Lorsque tu dis Seigneur, oh ben, je sens que je ne suis pas patient. On prêche et je te dis non. Je sens que vraiment c'est mon message aujourd'hui. Je ne suis pas patient. Dites Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi la patience. Regarde bien, la personne qui demandait ici, et toi vous faites la même prière, vous ne savez pas tout simplement. Quand il dit Seigneur, donne-moi la patience, il dit ok maintenant. Puisqu'il n'y a qu'une seule façon qui produit la patience en toi. Il dit tu as des demandes, il te donne quoi? Les diverses épreuves. C'est cela, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de raccourci dans la formation de Dieu. Tu dois passer par les étapes de formation. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, maintenant, le problème, c'est que ton épreuve, ce n'est pas mon épreuve. On a vu ça. La durée de cette épreuve-là, ce sera plus tu vas murmurer, plus tu vas durer dans les épreuves. Plus tu vas comprendre les principes de Dieu et te laisser conduire. Qu'il t'écrase comme il faut. Il te rabaisse comme il veut. Il brise ton moi comme il veut. Il écrase ta chair comme il veut pour que l'esprit en sorte. Il va falloir que tu sois humble. Et plus tu es humble, plus tu avances. Alors voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un peut être converti en un jour. Le troisième jour, il commence à travailler pour Dieu. D'autres sont là chaque fois, tu dis, mais ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans, je suis dans le ministère. Les principes élémentaires ne connaissent pas. Ce n'est pas étonnant. Parce qu'ils sont dans la même école de Dieu. Les gens, il y a l'autre qui sont depuis 25 ans, mais les 25 ans à l'école primaire. Absolument, frère. Vous savez ça. Même à l'école de théologie, même là, vous devez savoir cela, qu'il y a des gens qui ne vous servent pas pour sortir. Les pères ne savent même pas écrire. On leur donne, on dit qu'il est docteur en théologie. On négocie avec l'argent. Pas vrai? Pour que les gens sortent. Pour qu'ils soient docteurs reconnus des hommes. Mais chez Dieu, là, il n'y a pas de négociation. On ne paie pas 5000 francs d'inscription. Il n'y a pas de toge de consécration. Il n'y a pas ça là-bas. Quand Dieu t'appelle, il te forme. Il dit donc, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi afin que vous alliez. Voilà, n'est-ce pas? Afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Donc, c'est Jésus qui appelle, qui forme et qui envoie. Ça entend, n'est-ce pas? Et son lieu de formation, c'est dans la nature. D'accord, bien aimé? Verset 6. Oh, c'est merveilleux. Nous sommes encore au chapitre 1, là. Maintenant, nous sommes au verset 5, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il dit qu'il y a des déclarations terribles ici. C'est quelqu'un qui est en contact, non seulement c'est son frère, après il l'a reconnu comme son Dieu. Il connaît de quoi il est question. Si quelqu'un d'entre vous, vous allez encore, il ne sait plus inclus non plus. Observez ce langage. Bientôt le langage va changer, c'est à l'intérieur. Donc, soyez vigilants que le langage va changer. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera. Arrêtons-nous sur ce verset. Si on commence le verset, de toute façon, c'est l'étude de l'épître. Ne sois pas pressé pour finir, d'accord? Allons doucement, même si on ne finit pas aujourd'hui. D'accord? Comment faire? Il y a 108 versets. Donc, même pour peut courir aujourd'hui. Vous savez, permettez-moi de vous dire quelque chose. 108 versets. Et si on peut prendre 108 heures pour le faire, il n'y a pas quand même problème. Pas vrai, frère? Il y a la coupe des... La coupe du... Vous n'êtes pas du... Il y a la coupe du... Alors, on dit verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. En fait, Dieu a déjà même mis le canevas dans la Bible, comment obtenir cette sagesse. Ça ne peut pas avoir de deux canaux. D'accord? Si vous prenez votre livre, vous étudiez attentivement dans le livre des Proverbes, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, Dieu a donné les injonctions claires par rapport à cette sagesse. Donc, prenez le temps de lire Proverbes chapitre 1 jusqu'au Proverbes chapitre 4, puis le Proverbes chapitre 8. Observez ce que ces cinq passages-là disent. D'accord? Chapitre 3 et chapitre 4 particulièrement. Je vais vous citer quelques volets à la volée là-bas. Remarquez très bien ce qu'il dit. Il dit que si tu dis à la sagesse, tu es ma soeur. Si tu la sais dans ton cœur, vous voyez, ah, c'est merveilleux, frère. Donc, Satan fait tout et tout pour éloigner les gens de la lecture de la parole. La distraction. Mais les gens peuvent venir à la maison vous bavarder comme ça à longueur de journée. Mais prends la parole de Dieu. Si on te lit, lis Jean chapitre 7. La première chose quand tu fais quand tu ouvres Jean chapitre 7, c'est que tu ouvres pour regarder combien de versets ça a. Si, y a, si tu vois, vous savez, quand Jean chapitre 6, là, comme ça, 71 versets, quand tu vois d'abord, tu vois 71 versets, tu dis, frère, je vais lire ça autre jour. Pas continuer à parler. Voilà, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ceci, nous rions, mais c'est mauvais. Parce que tout ce qui concerne la vie, nous les écartons et nous ajournons. Mais ce qui est de la chair, ce qui est palpable, ce qui est de direct, de futilité, nous sommes comme à réagir. Or, pourtant, on a parlé de la sagesse. Et si vous regardez la promesse par rapport à cette sagesse, quand ça vient dans ton cœur, vous allez remarquer très bien qu'il n'y a rien dans le monde qui peut compenser cela. Alors finalement, ce qui est précieux, nous poussons de côté pour prendre ce qui est vain. Voulons-nous faire cela, frère? Est-ce que c'est normal? Que Dieu vous bénisse. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire que l'homme qui est irrésolu dans son cœur, c'est-à-dire qu'il peut dire que ma soeur, j'aime demain, je vais te donner 500. En partant de ça, là, on lui dit que mon frère, la soeur, là, tu connais telle soeur? Si j'ai entendu que la soeur, là, t'a saboté. Et que ma soeur, le 500 qu'il t'avait dit, oublie. L'intégrité. On a touché son ego. Alors maintenant, la décision a changé. Il dit que c'est un homme irrésolu. Quelqu'un qui prend une résolution, change. Pas une résolution, change. Vous entendez, n'est-ce pas? Ah, vous saisissez avec moi. Amen. Vous faites seulement quand vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué, on va prêcher, n'est-ce pas? Qu'un tel homme, verset 7, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est-à-dire que ces choses, il faut qu'on regarde. Tu regardes. Quand vous lisez comme ça, vous traversez. Vous ne regardez pas si les décisions que vous avez prises dans les jours passés, dans les mois passés, vous avez tenu vos décisions. Vous avez dit, je vais rendre visite à telle personne, j'y ai tenu. Si vous faites les statistiques, vous voyez très bien que vous prenez quelque chose, quand ça n'arrive pas, faites attention, votre vie spirituelle est en danger. Votre vie spirituelle est en danger. Il dit que c'est un homme irrésolu. Donc, il ne peut pas prendre une résolution et même puis comme le roc et fonctionner. Je vais prendre un exemple pour vous saisir. Avez-vous déjà vu aux alentours de vous, ou bien vous-même, quelqu'un qui a commencé le commerce du savon, après demain, c'est pour la banane qu'il est. Vous avez vu des choses. C'est-à-dire que quelqu'un, vous voyez quelqu'un en défrit le beignet, c'est pour manier. Mets un peu l'huile, mets le feu. Tu viens là-bas, il n'y a plus manier là-bas. Manier où? Il va maintenant plus le samboulo là-bas. Tu vois là, tu commences à acheter le samboulo. Non, il fait plutôt le pistache maintenant. Vous savez ce qui arrive? Cette personne, si elle est irrésolue, c'est ça la chose que je me dis. Est-ce que vous comprenez? Et si on est cru dans la vie chrétienne, c'est exactement ce que j'en ai dénoncé ici depuis, du fait qu'on a entraîné les chrétiens de la mauvaise façon, sur une mauvaise fondation. C'est-à-dire qu'on n'a pas entraîné quelqu'un de comprendre que si tu es en train de vendre la poussière, il peut avoir des bons moments, le moment où le marché la marche et le moment où ça ne marche pas. Si ça marche, rends grâce à Dieu, ça ne marche pas. Dites que ça ne marche pas pour les autres, ça va passer, parce que ça va passer. Quand tu es résolu comme ça, Dieu va appuyer sur ta foi. Aujourd'hui, tu vends le savon, tu dis, ah, ça ne marche même pas. Pourquoi? Quelle est la raison? Il y a trop de savon là-dedans. Qu'est-ce que tu vas faire que tu seras seul? Alors, ouais, quelqu'un va commencer à fuir. Non, il va me mettre dans l'embrouille. Le territoire doit être occupé. Je m'en vais dans l'embrouille. Il détruit mon truc là-bas. Il vend moi ma nourriture là-bas. Tu vas la nourriture. Quelqu'un d'autre voit comme tu es vu comme ça. Il dit, waouh, comment il vend la nourriture? Moi aussi, il vend la nourriture à côté. Tu vas encore fuir. Quelqu'un dit, irrésolu. Inconstant. Voilà. Donc, je donne ces petits exemples pour que vous observez. Si vous avez ça dans votre vie, vous avez un problème avec votre vie spirituelle. Alors maintenant, le signe, la conséquence, ça se résolve dans la prière. Vous savez comment ça se fait dans la prière? C'est que j'ai ma fille qui est malade. Il ne faut que pas prier pour ma fille qui est malade. Ça, c'est la résolution que j'ai prise. Il faut que cette nuit, j'ai prié pour ma fille qui est malade. Alors maintenant, on vient. Le moment arrive, on se lave. Si on se lave, on se prend à genoux. On chante quelques cantiques par réflexe. Quand on s'assoit là-bas, le but, on a pris la raison de prier pour qui? La fille qui est malade, tu te mets là-bas, tu sais, oh Seigneur, ma mère qui est au village, oh Seigneur, mon patron, après tu te rends. Un temps, tu dis, on a prié que l'argent de la maison, là, comment on va prier ça? Ça, c'est dans la prière. Et le but, c'était d'aller prier pour la fille qui est malade. Après, tu vois, Dieu te donne une image de prier ton mari qui t'a fait du mal. C'est pour que tu pardonnes. Tu dis que, Seigneur, celui-là, Seigneur, ferme ses entreprises. Je vais lui montrer que tu es un Dieu de justice, juge. Tu es allé pour faire quoi? Inconstant, c'est les conséquences. C'est tout simplement parce qu'on n'examine pas nos vies spirituelles, on ne prend pas le temps de méditation que ces choses nous arrivent. Et tu es dans la prière comme ça là. Tu sors là-bas, un temps tu te rappelles que tu partais comme ça prier pour ta soeur, tu n'as même pas prié. les prières ne sont pas constantes, ni consistantes. C'est pour cela que, frère, quand on se réunit pour prier, les gens trouvent toujours qu'on est long, parce qu'ils ne sont pas entraînés ainsi. On croit que la prière, c'est le bavardage. Je veux que vous compreniez ce qu'on appelle les soupirs inexprimables. Si vous pouvez s'en servir, ce qu'on appelle les soupirs de l'âme, le gémissement de l'âme. Si on entre à ce niveau-là, vous ne verrez plus le temps. Mais c'est... Si on dit maintenant, prions plus que moi, donc, le parent qu'on a déprécié, il dit qu'il faut bien, il a marié son allié. Mon problème, c'est quoi là-bas? C'est son problème. Que vous bavardez, vous comprenez. Parce que c'est. Or, lorsqu'on entre dans la dimension de la prière proprement dite, si on est entraîné de la bonne façon, on sait que c'est le moment le plus ultime pour entrer face à face avec le Père. Donc, c'est un moment où il faut, qui est privilégié par rapport à sa rencontre. On entend ça, frère? On comprend? Donc, souvenons-nous de ceci. Les gens irrésolus, inconstants dans toutes les voies, ont une requête et des principes de prière inconstants. Ils ne peuvent pas durer dans la prière par rapport à, vous savez, ce qu'on appelle en anglais steadfast, steadfast. C'est-à-dire qu'en continuant à appuyer sur un point de prière. Alors vous allez dire à quelqu'un, quelles sont les prières que Dieu a répondu? Quelles sont les prières que Dieu n'a pas répondu? Il a fait les statistiques, aucune de prières Dieu n'a répondu. Aucune de prières. Pourquoi? Eh Seigneur, oh Seigneur, j'ai prié pour mon mari qui est malade. Demain, quand le Seigneur est prié de nous comme ça là, il oublie. Un an, deux ans, il ne prie plus. Donc parce qu'il croit qu'il a bavardé comme ça, Dieu est là. Vous me suivez, bien-aimé? Alors maintenant, pour que quelqu'un soit comme ça, comme c'est Jacques-là, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. Vous entendez? Seigneur, tu suis une bonne prédication aujourd'hui, Seigneur. Je vais être une prédicatrice de cette parole. Oh Seigneur, donne-moi d'être prédicatrice. Donne-moi d'être prédicatrice qui prêche ta parole avec vérité. Demain, tu suis un autre, là, le mouvement prophétique. Oh Seigneur, non, ce n'est pas ça, il va faire une erreur. Donne-moi d'être prophétique, donne-moi prophétie. Ah, tu vois l'autre. Tu vois la liberté, tu dis, ah, maintenant on commence à aller dans l'orphelinat pour donner l'argent, tu dis, je peux donner ceci, écoute même le russe, Seigneur, non, je veux que le ministère de l'orphelinat, oui, c'est constant ça, frère. Alors maintenant, Dieu a mis l'appel de chaque personne dans son cœur, c'est déposé, vous devez savoir cela, l'appel est déposé dans ton cœur et se manifeste dans ta vie, tu dois savoir cela, alors ça doit être révélé par l'esprit, parce que c'est un ministère spirituel, pas une capacité humaine, pas une habileté humaine. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Pas une capacité humaine. Non, j'ai la capacité de faire telle chose, c'est toi. Le ministère, c'est autre chose. Le don spirituel, c'est autre chose. D'accord? Voilà, c'est la manifestation de Dieu dans notre incapacité. Donc, on avance. Dans le ministère spirituel, là, c'est la manifestation de Dieu dans notre esprit. Si vous avez des questions, notez-les. Quand il veut commencer, il ne prend pas de questions. À la fin, vous vous posez des questions, d'accord? Maintenant, verset 9. Non, on a de traverser la voiture, en retard, fais-toi. Que le frère des conditions humbles, souligné conditions humbles. Dans la version King James, c'est écrit low degree. Low degree. Vous y entendez? Vous êtes? Il dit dans la version King James, c'est à dessein qui sont de citer le verset King James. Regardez. Dans la version anglaise de King James, c'est écrit low degree. Condition humble, si est rendue par low degree. C'est-à-dire que des degrés inférieurs. Regarde, je suis en train de dire en anglais parce qu'il va ramener ça en français avec cette traduction-là. Ici, on dit des conditions humbles. Conditions humbles, c'est quoi? Je prends ça en anglais, regarde. On dit low degree. Quelqu'un qui a un degré bas. C'est les gens qu'on rabaisse. Les gens qui sont trop rabaissés par rapport à leur niveau. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc, les pauvres. Les pauvres. Vous savez, ce sont les pauvres qu'on ne considère pas dans les affaires. Quand vous êtes foiré, quand on fait les réunions familiales, tu parles un peu quoi? Comment c'est que tu es avec Jésus? On dit qu'à partir de, en dehors de Jésus, là, tu peux contribuer quoi? On veut ici l'argent. Tu peux encore dire Jésus, Jésus, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc si on t'aime trop, on dit que prie pour nous à la fin. Pourquoi? Parce que les décisionnaires, ce sont ceux qui ont de l'argent. Il dit que les frères des conditions humbles. Il dit dans lui, c'est écrit conditions humbles. Mais vous ne comprenez pas l'impact. En anglais, c'est low degree. Donc les conditions, c'est ceux qui sont rabaissés. Il dit que cette personne-là fasse quoi? C'est glorifié de son élévation. Frère, c'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure là de l'entraînement chrétien. On n'a pas entraîné les chrétiens à comprendre qu'il y a des gens parmi les chrétiens qui peuvent être de conditions humbles, donc qui peuvent être de bas niveau. On n'a pas entraîné comme ça. On est en train de former les chrétiens à avoir des mentalités visionnaires, d'être visionnaires pour avoir des visions. Ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Aucun, ni l'apôtre Paul, ni l'apôtre Pierre n'avait une vision qu'il poursuivait. Jamais. Dieu leur a donné une mission, ils doivent accomplir cette mission-là. avec l'habilité de Dieu. Mais aujourd'hui, vous venez voir un prédicateur dire que ma vision que Dieu m'a donnée, c'est ici. Ma vision. Il n'y a plus autre vision. La vision, c'est la Bible. Vous entendez, n'est-ce pas? La vision pour ce ministère, c'est ceci. Dieu a donné cette orientation pour le ministère. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique du tout. C'est l'arabe chrétien qui a manifesté comme ça. Vous entendez, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Voici la vision donc, de ces gens-ci. Les gens qui sont pauvres dans les assemblées maintenant, c'est parce qu'ils ont voulu être pauvres. La Bible est en train de dire ici là que ces personnes qui sont pauvres là se glorifient de cet état-là. Vous voyez la Bible face aux théologiens. Vous voyez la Bible maintenant face aux théologiens, n'est-ce pas? Il dit que si tu es dans des conditions humbles, si tu te considères comme des gens de basse classe, il faut que tu te glorifies de cette position. Les théologiens sont en train de dire que si tu es pauvre ici, c'est parce que tu l'as voulu. Il faut que tu quittes ta pauvreté, que tu changes l'esprit de pauvreté. Mais la Bible te dit autre chose. Vous entendez ça? Maintenant, remarquez très bien que le Saint-Esprit, si on a dit condition 1, ça vous crée des problèmes, vous allez voir le contraire tout à l'heure pour comprendre de qui on a dit de parler, d'accord? Regardons. Verset suivant. Regardez. Que le riche au... Donc, allez, si on a mis que le riche au contraire, ça se fait, on parlait de quelqu'un qui était le contraire du riche. Vous y êtes? Que le riche au... C'est quoi? Glorifié. Des... Pourquoi? Parce qu'il passera comme la feuille de l'herbe. C'est-à-dire que la richesse est un problème. Dans notre époque. La richesse est un problème. Dis à ton voisin, est-ce que tu es riche? Demande à ton voisin, est-ce que tu es riche? C'est que tu as des problèmes avec ta richesse. Souvenez-vous de ce qu'on a fait là-bas pendant 2 jours, n'est-ce pas? Donc, les riches selon Dieu n'ont pas de problème. Les riches, ils sont riches selon le monde, ont des vrais problèmes. Et rencontreront des vrais problèmes. Donc, on a déjà parlé. Donc, si vous n'avez pas ça, suivez dans cet enseignement, mais ils avaient tout en commun. D'accord? C'est développé là-bas. C'est 12 heures d'enseignement. On continue ici. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a séché l'herbe, sa fleur est tombée et sa beauté et la beauté de son aspect a disparu. Après, il dit, ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. C'est-à-dire que quoi? Les richesses terrestres que vous voyez, les gens qui vivent dans la volupté, oubliez cela. Les maisons luxueuses, les gardiens de la maison, les voitures climatisées, oubliez cela. Ça va passer. La Bible appelle ça les richesses incertaines. C'est-à-dire que par le test d'un temps, ça s'échoue. Par suite des récessions, par un bandit, par une banque qui s'éclipse, et puis c'est fini, la ruine est finie. Mais le pauvre, écoutez très bien. Personne ne volera la pauvreté. Je recommence ça. Personne ne volera la pauvreté. Je n'ai pas dit personne ne volera le pauvre. D'accord? Personne ne volera la pauvreté. Mais on volera la richesse. Personne ne volera la pauvreté. Amen. Vous savez, bien aimé. Okay. Mais ce qui est curieux, c'est que les riches, il y a les pauvres, vous les voyez. Vous les voyez, ils sont dans les traditions, dans les cultures des crânes, dans les cultures de ceci. Vous nous dites, Jésus-Christ ne veut pas cela. Il dit que oui. Jusque-là, il fait comme ça, il fait comme ça. Pourquoi je souffre comme ça là? Il souffre étant dans le camp de l'ennemi. Donc il souffre pauvre comme ça pour mourir, alors encore en fait souffrir. Ok. Verset 12. Heureux. Écoutez bien. Voici encore notre verset. Nous sommes en formation là maintenant, d'accord, bien aimé? Heureux l'homme qui supporte patiemment. Vous avez encore vu les deux mots. Patience et supporter. C'est-à-dire endurer. C'est-à-dire que laisser que ça passe sur toi. Quand on dit supporte, on te griffe. Supporte, ça veut dire que laisse que la douleur agisse. Pas que tu que ça enlève. C'est différent. Hein? Ok, maintenant. Car après avoir été, il recevra la. Que le Seigneur a promis à ceux qui... Ok, ça suppose qu'il y a un problème déjà dans ces versets. Le premier mot qui met la tentation n'a pas sa place. C'est l'épreuve. Vous entendez ça, mais ça? Je dis ici. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Le mot là-bas, ce n'est pas tentation, c'est épreuve. Donc, mettez entre parenthèses épreuve là-bas dessus. Dans ta version, c'est écrit quoi, mon cher ami? Verset 12, là. Livre. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. Voilà. Vous avez vu, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit que vous pouvez lire la Bible, vous n'avez pas besoin de quoi. En comprenant le langage de Dieu, vous n'aurez pas de problème dans la Bible. Donc le mot ici, la tentation, ça ne donne pas. Parce que Dieu ne donne pas de tentation aux gens, c'est l'épreuve. Et je crois que l'un de ces jours, vous avez dit quelle est la différence entre la tentation et l'épreuve. À quel moment la tentation se manifeste, à quel moment c'est l'épreuve, d'accord? Je crois que j'avais expliqué ça ici. N'est-ce pas, bien-aimé? N'est-ce pas, mes frères? Ok, l'autre dit seulement oui, pourquoi je continue? Ok, il dit heureux l'homme, maintenant je vais lire avec épreuve pour qu'on comprenne, n'est-ce pas? Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Oui, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous venons maintenant du haut là-bas, depuis le haut, verset 3 et verset 4 qu'on a vu, 2 à 4 qu'on a vu aujourd'hui. Après, il dit maintenant, tous ceux-là, que lorsque l'épreuve passe dans leur vie, ils acceptent leur supporter, ils sont heureux. Vous voyez que c'est contraire totalement à la doctrine de prospérité, n'est-ce pas? La doctrine du bien-être, le bien-être des chrétiens. Les chrétiens sont les champions et autres. D'accord? Donc les vrais champions, ce sont ceux qui savent vivre dans les épreuves. D'accord? Et par phrase, notre bien-aimé a été éprouvé dans le Seigneur. Vous entendez l'apôtre Paul dire ça là, n'est-ce pas? Nous sommes divers. Ne soyez pas surpris qu'il vous arrive de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Lisez, après le livre, lisez tout simplement les deux premiers chapitres de 1 Pierre. Vous allez comprendre clairement ce qu'il a de dire. Il va dire littéralement les mêmes choses que l'apôtre Paul, quoi, l'apôtre Jacques a parlé. Alors, il dit ici donc maintenant pour conclure ce qu'il est en train de dire en haut là-bas. Écoutez bien aimé. Écoutez bien aimé. Après, pourquoi le Saint-Esprit revient au verset 12? Parce que au verset 13, ça va changer de langage. Il va faire directement pour que quelqu'un, pour qu'on ne méprise pas sa parole, pour qu'on comprenne clairement qu'il en est d'aller, il y a une différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. D'accord? Vous y êtes? Ok, regardez. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Donc si quelque chose arrive, tu supportes. Est-ce qu'on peut entendre cela et l'appliquer, frère? Amen. Regardez. Heureux l'homme qui supporte patiemment. C'est-à-dire que quand les épreuves arrivent, tu ne pries pas que ça change. Ah, c'est merveilleux ça, frère. C'est-à-dire que quand quelque chose t'arrive, tu ne pries pas que ça change. Mon mari me tape beaucoup, il boit beaucoup, supporte. Dans mon travail, on me maîtrise, il fait n'importe comment, il fait le travail n'importe comment, on m'a même renvoyé, supporte. Parce que c'est à cause de ces injustices-là que tu seras justifié. Parce que c'est à cause de ces injustices que tu seras justifié. Vous entendez ça, mes chers amis? Ok, regardez. Car, et voilà même ça devant. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui... Donc, le chemin pour avoir la couronne de vie, ce sont les chemins des... Ok. Alors maintenant, dans Timothée, l'apôtre va dire ça autrement. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. C'est ce que l'apôtre Jean nous a parlé. L'épreuve là, après cette épreuve, il va nous donner la couronne de vie. D'accord, bien-aimé? La couronne de vie qu'il a promis à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que ceux qui sont appelés selon son dessein. On avance. Maintenant, verset 13, ça change. Regardez. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Donc, le ton a changé. Il met ce verset, c'est pourquoi on ne confond pas la tentation aux épreuves. Vous entendez ça? Ok. Il dit, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Maintenant, ce verset-ci, si vous regardez dans d'autres versions, on a encore écrit épreuve là-bas. C'est un problème aussi. Lui, c'est quoi, il a mis tentation ici, là, on ne peut pas mettre tentation. Il a mis plutôt, là, on va mettre épreuve, il a mis tentation. Il dit, certaines versions ont mis ici, là, épreuve. Si vous allez encore lire, si vous lisez ce matin avec l'épreuve, vous allez lire ici. Que personne, lorsqu'il est éprouvé, ne dise, c'est Dieu qui m'éprouve. Ça n'a pas de sens. Vous cessez, n'est-ce pas? Ok. En fait, Dieu doit éprouver notre foi. Dieu doit éprouver notre foi. D'accord, frère? En fait, vous montez, vous descendez, notre foi est éprouvée. C'est ce que la Bible déclare. Alors, maintenant, il dit ici, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire quoi? Lorsque la tentation nous survient, il y a quelque chose qui lui appartient dans notre chair. Parce que la convoitise a lieu avec la chair. Il y a quelque chose qui est lié avec nous dans la chair. C'est-à-dire que si tu es devant l'alcool, tu commences à dire que est-ce qu'il peut boire, est-ce qu'il y a un verset, les philosophies commencent dans ta tête. Donc l'important c'est de boire, de ne pas saouler. Non, on a parlé de l'énivrer. Tu parles dans la Bible, tu commences à chercher les versets, on parle seulement de l'énivrer pour essayer de trouver. C'est-à-dire qu'on essaie de se convaincre que l'alcool n'est pas quand même mauvais. Il y a quelque chose dans ton corps qui réclame ça. C'est la racine là qu'il faut extirper. Si la racine là est extirpée, tu entends sainteté à l'éternel. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes saint et vous appartenez à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Tu vas commencer à comprendre ce que ces versets-là veut dire. Vous entendez, n'est-ce pas? Il dit quand vous voyez quelqu'un se met à côté de la corde, il dit que la Bible, je peux te prouver dans la Bible là que la corde n'est pas interdite. Il y a quelque chose avec sa chair. C'est pour la satisfaction de sa chair. Alors la convoitise. Ouais, regardez. Il dit, puis la convoitise, verset 15, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit. Donc, ça veut dire, frère bien-aimé, nous devons nous mettre à une situation où la chair doit être dominée par l'esprit. C'est-à-dire que la seule façon de quitter, de ne pas être sous ce langage-ci, sur cet angle-ci, c'est que nous marchons selon l'esprit. C'est simple. Verset 16 maintenant. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce, excellent, et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parlons un peu de ces versets. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. 1. Toute grâce excellente, pas toute grâce, toute grâce excellente. Puis, et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Alors, tournons là-bas et arrangeons une situation. Vous vous souvenez, l'un des quatre piliers que nous avons vu lorsque nous voyons dans cet enseignement sur le tout en commun, là, n'est-ce pas? Dans l'un des quatre piliers, je crois que c'est le troisième ou le quatrième pilier, nous avons dit ceci. Toute bénédiction et toute réussite ne vient pas forcément du Dieu du ciel. On a vu ça, pas vrai? C'est l'un des piliers. Alors, toute bénédiction ou toute réussite, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose dans la vie, ça réussit. Tout semble te sourire, ça ne veut pas, ce n'est pas une assurance, ça vient de Dieu. On a vu des versets, n'est-ce pas? Maintenant, l'apôtre Pierre, Jacques ici dit, toute grâce excellente. Grâce excellente, c'est quoi la grâce excellente, frère? Après, il dit, je vais y venir. Il dit, et tout don parfait. Don parfait vient du Père des Lumières. Arrêtons ça des envois. Vous avez entendu cette expression-ci. Les marabouts, ils guérissent avec le pouvoir de qui? Vous avez entendu quelqu'un poser cette question? C'est parce qu'ils sont confus. Parce que le marabout dit des choses qui sont vraies, font des choses et des manifestations, prie pour les gens même, fait des travaux pour les gens et ça marche. Alors ça, c'est un don. Ils peuvent avoir des dons, mais ça ne vient pas du Père des Lumières. Le don qui vient du Père des Lumières, c'est un don parfait. Parce que c'est le Dieu parfait. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont surpris quand on dit que le marabout ne sait pas avec le Dieu spirituel. Il est délégué comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas lu la Bible. Il dit que non, j'ai vu, vous voyez que la personne commence à se baser par rapport à ce que le marabout lui a dit. Il dit qu'il m'a dit la vérité, il a dit les choses, c'est arrivé. On n'a pas dit que la chose ne peut pas arriver ou ça peut arriver. C'est le problème, c'est que l'esprit qu'il a initié n'est pas le Père des Lumières. D'accord, bien aimé? Donc, ce verset 16, on va y revenir vraiment. On va y revenir. Regardez. Verset 17. C'est là où on a lu, n'est-ce pas? Verset 18 maintenant. Je crois qu'on va parler, on va interroger la Bible dans ce verset particulièrement. Regardez. Il nous a engendrés. Quelqu'un dit engendrés. Voilà. Il nous a engendrés. Oh mon Dieu. C'est merveilleux là maintenant. Seulement ici là maintenant, on peut passer toutes ces soirées. C'est, regardez. Il, on parle de Dieu là maintenant, nous a engendrés. Ok, regardez. Voici ce que la Bible est en train de déclarer. Regardez, suivez ici. La Bible est en train de dire que il, Dieu nous a fait engendrer, ça veut dire faire naître de nouveau. Naître de nouveau. Donc Dieu nous a fait naître de nouveau. Ça c'est grave là maintenant. Doucement. Veuillez suivre là attentivement, d'accord? On y va. Engendrer. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra les 12. Où est là, n'est-ce pas? Donc, Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob. Jacob a donné naissance. Dieu nous a engendrés. Donc, il a donné naissance à nous. Donc, Dieu a donné naissance à nous. Et cette naissance-là, nous n'avons pas changé physiquement. C'est la nouvelle naissance. Vous y êtes? Ok, maintenant, il dit, il nous a engendrés. C'est grave. Regardez, il nous a engendrés. Quoi? Selon sa volonté. Alors maintenant, si vous commencez à coller ça dans Jean chapitre 1, verset 11, 12 et 13, il dit que elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté d'un homme. Voilà, ouais, n'est-ce pas? Donc l'homme n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire que soit pasteur ou prophète, ma femme est prophétesse ou diaconesse, ou apôtresse, comme on dit, sanctifiée jusqu'à ce pas grave. Tu accouches un enfant, l'enfant là est un païen. Il y a ton voisin. Homme né de nouveau, plus femme née de nouveau, égale un païen. C'est-à-dire que quand un homme a une femme qui sont nées de nouveau, je vais dire quoi? On n'est pas chrétien dans une famille. La Bible nous dit que les gens sont nés de nouveau selon la volonté de Dieu. Autrement dit, mes chers amis, ma soeur, tu as donné ta vie à Jésus, ça n'a pas de sens. Dis à ton voisin, ce n'est pas biblique. Donc si quelqu'un te dit que tu as donné ta vie à Jésus, dis que je ne donne pas. Tu comprends? Que je ne donne. Voilà. Donc si quelqu'un te dit que tu as donné ta vie à Jésus, dis que je ne donne pas. Je ne donne pas ma vie à Jésus. D'accord? Parce que maintenant j'ai la vie de Jésus. Enfin, si vous l'avez. Alors maintenant, regardez. Dieu nous a fait naître de nouveau. Ma soeur, tu es né de nouveau? Non. La Bible déclare que si tu es né de nouveau, tu peux avoir le royaume. Vraiment. Comment faire naître de nouveau? Si tu as accepté Jésus-Christ, tu confesses tes péchés, tu es baptisé, tu es né de nouveau. C'est la Bible ça? En fait, c'est ce qu'on a enseigné. C'est ce qu'on a enseigné. Si tu veux, tu peux accepter. Tu acceptes, oui. Repète, c'est simple moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le jour là, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai tremblé, j'ai frémé, quelque chose, la joie entrée dans mon cœur, tu parles. C'est l'émotion. La Bible déclare que ce n'est ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, mais c'est selon sa volonté. Donc, c'est Dieu qui décide dans le ciel pour dire que celui-ci, c'est quelqu'un que j'ai destiné à qu'il naisse de nouveau. Donc, la nouvelle naissance est prédestinée. Je recommence. La nouvelle naissance est prédestinée. Frère Bok, tu as des problèmes dans ton cœur par rapport à moi? Grave. Ok, maintenant. La nouvelle naissance est prédestinée. Observez seulement. Je vous dis, mes frères, je suis ici de tout cœur avec vous. Et je sais quel mal la théologie a fait à l'œuvre de Dieu. Je sais quel mal les écoles bibliques, les écoles de formation, ce sont des Guantanamo. Je sais quel mal ça a fait à l'œuvre de Dieu. Observez chaque prédication des pasteurs dans les émissions télévision ou bien radio. Lorsqu'ils finissent chaque fois, vous allez entendre toujours ces mots-ci. Si tu m'écoutes maintenant, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Prie, appelez-moi cette simple prière. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Qui a entendu? En fait, vous allez toujours entendre ça sortir jusqu'à ce que je viens. Quelqu'un va aller te donner sa vie à Jésus comme ça, jusqu'à ce qu'il va venir, il partira même pas le même jour-là. Je recommence encore. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, prie après moi. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Parlons comme ça. Une musique passe d'un temps, d'un temps, et à sa fidélité. Tu pleures comme ça. C'est la musique qui a été traitée derrière. Seigneur, je décide de te donner ma vie à Jésus-Christ. Tu parles au cas, tu écris que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ le 25 septembre 2014. La Bible dit, l'aîné de nouveau, c'est selon la volonté du Père. C'est selon sa volonté. Ce n'est pas selon la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais c'est de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On y va? Ok. Donc il dit ici, il nous a engendrés, il a fait... On parle de la nouvelle naissance ici. Maintenant, observez tout à l'heure, vous avez dit que le langage devait changer. Vous avez vu? Ici, il dit maintenant qu'il nous... L'apôtre Paul, quoi? L'apôtre Jacques s'inclut lui-même. Où est là, n'est-ce pas? L'apôtre Jacques s'inclut lui-même. Il dit qu'il nous a engendrés. Donc Dieu nous a fait naître de nouveau. Il dit selon sa volonté. Il dit, on va passer un peu de temps sur cette phrase-ci. Il dit, regardez bien, Dieu a décidé de nous faire naître de nouveau selon son plan. Sa volonté selon son plan. Ce qu'il veut dire. Après, il dit, regardez bien. Par la parole de vérité. Bon, ne ratez pas ce qu'il dit ici. Il dit que, regardez bien. Jacques dit ce qui est arrivé à ceux qui sont en train d'écouter, les premiers destinataires de ce livre. Il dit ce qui leur est arrivé avec lui inclus, n'est-ce pas? Il dit que Dieu les a engendrés, il dit selon sa volonté. Et il dit par quel moyen Dieu l'a fait. Non, c'est pas ça, frère. C'est pas ce qu'il écrit. C'est parole de vérité, c'est seulement par la parole, tu ne peux pas être engendré. Jamais. Écoutez très bien, je vais encore redire cela. Mets la Bible au Dieu dans tes oreilles. Écoute ça, mais à haute voix, c'est ce que quand la musique parle à côté, c'est ça qui joue. Ça ne peut pas te faire naître de nouveau. Écoute des talentueuses prédications, jour après jour. Ça ne peut pas te faire naître de nouveau. Parce que cette parole-là ne peut pas te faire naître de nouveau. Il faut que ce soit la parole de vérité. C'est la parole de vérité qui fait naître de nouveau. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13 et 14, il dit que vous aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, la parole de vérité, vous avez cru. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit. Vous avez, après avoir écouté. Tu dois entendre prêcher et ça doit être la parole de vérité. Si ce n'est pas la parole de vérité, oublie l'affaire. Alors la question se pose tout naturellement. C'est quoi donc la parole de vérité? Alors maintenant, vous commencez à comprendre très bien que répondre à ces questions, c'est une bêtise. Parce que si tu réponds à exactement à ce que c'est que la parole de vérité, forcément, tu peux savoir comment naître de nouveau. Hein, frère? Si tu sais exactement quelle est la parole de vérité, tu peux faire naître de nouveau quelqu'un. Ah, maintenant, j'espère que vous me saisissez. Si vous ne me saisissez pas, je vais aller doucement pour que vous saisissez. Parce que même si ça vous coince, ça coince. Il va commencer encore. Vous me posez la question, par exemple. On a dit ici que la nouvelle naissance passe par quoi? L'engendrement. Sinon, la nouvelle naissance, c'est l'engendrement. Qu'est-ce qui fait naître de nouveau? La parole de vérité. Ok. Et Dieu dit qu'il engendre selon sa volonté. On est d'accord? C'est ça, frère? Ok. S'il engendre selon sa volonté, et c'est pas la parole de vérité qu'il engendre, si tu connais cette parole de vérité, ça se peut qu'au moment où tu peux être engendré. Donc, ça veut dire la parole de vérité, c'est lui qui la détient. Nous avons la parole de Dieu. Donc, regardez, frère. Ici, nous avons ce qu'on appelle le logos. Ça, c'est le logos. Le franc-maçon lit. Recrucien lit. Remarquez très bien les gens qui font le débat télévisé. Ils lisent, les musulmans lisent pour venir parler aux gens que votre Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'il a dit que le Père est plus grand que moi. Il a lu ça. Il a lu la Bible même plus que même les chrétiens. Le frère n'est pas né de nouveau. Et il a lu comme ça, il a vu des contradictions là-dedans. Il dit bien, les musulmans qui viennent prêcher contre les chrétiens. Vous êtes avec moi? Les francs-maçons étudient cela, ils n'étaient pas des dieux d'amour, etc. Alors maintenant, la Bible déclare donc que l'engendrement se passe par la parole de vérité. Alors, aucun être humain n'a la parole de vérité. Frère, veuillez me pardonner si ça vous choque. Aucun prédicateur n'a la parole de vérité. Je suis arrivé parce que je vais arriver sur le terrain. Quand je vais dire cela, vous allez voir clairement. D'accord? Ça peut vous sembler être comme une nébuleuse, comme des noisseurs, mais vous allez voir tout à l'heure. La Bible déclare que ce n'est pas la parole de vérité. Alors maintenant, on va prendre 4 cas dans la Bible, vous allez voir la chose, d'accord? Je vais prendre peut-être 4 cas dans la Bible pour que vous voyez la parole de vérité. D'accord? Amen. Dites-moi oui ou non. Les gens de Samarie sont-ils nés de nouveau? Étaient-ils nés de nouveau? Oui. Répondez-moi. Oui ou non, les gens de Samarie dont on parle dans Acte chapitre 8 étaient-ils nés de nouveau? Oui. Je recommence, je n'ai pas entendu ici. Ils étaient nés de nouveau? Oui. Voilà. Très constant. Oui, frère, que quoi? Les gens de Samarie. Je recommence dans la question encore. Les gens de Samarie étaient-ils nés de nouveau? Oui. Je vais entendre tout le monde. Si tu dis non, tu es dans notre avis. C'est pour ça qu'il pose la question, j'insiste. Les gens de Samarie, dont Acte chapitre 8 parle, étaient-ils nés de nouveau? Oui. Ok. Je commence. Corneille, où l'apôtre Pierre allait prêcher dans Acte chapitre 10, était-il né de nouveau? Oui. Ok, c'est bon. L'apôtre Paul, qui a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, était-il né de nouveau? Okay. Les apôtres qui étaient dans Acte chapitre 2 dans la chambre haute en attendant le Saint-Esprit étaient-ils nés de nouveau? Oui. Ok, c'est bon. C'est bon. Lydie dans Acte chapitre 16 là, qui a cru et qui a donné sa maison au Seigneur, est-elle née de nouveau? Oui. Ok, maintenant, arrangeons-nous donc là-bas. On va voir maintenant. Vous avez cité que tous ces gens étaient nés de nouveau. Hein? Oui. Avançons au premier. L'apôtre Paul. Comment était-il né de nouveau? Vous me suivez? Comment était-il né de nouveau? A-t-il répété une prière pour naître de nouveau? Non. Les Samaritains ont-ils répété une prière après moi pour naître de nouveau? Non. Okay. Lydie, dans Acte chapitre 7, a-t-il répété une prière pour naître de nouveau? Non. Pendant que l'apôtre Pierre était chez Corneille, il prêchait, le Saint-Esprit est descendu là. Ils sont nés de nouveau. Ont-ils répété une prière pour naître de nouveau? Non. Il va encore reporter la question autrement. La prédication que Paul a reçue pour naître de nouveau était-elle la même prédication que Philippe a reçue? Non. Les mêmes que Pierre a prêché chez Corneille? Non. Les mêmes que Lydie a reçu? Non. Alors, ça veut dire que Dieu destine la parole de vérité pour chaque cas pour faire naître de nouveau quelqu'un. Amen. Vous entendez là maintenant, n'est-ce pas? Alors maintenant, la théologie doit devoir faire face à la révélation de la parole. Je vais revenir sur ça lorsqu'on va encore. Je vais encore avancer dans le. Je vais parler de la nouvelle naissance, vous m'avez regardé comme ça comme un patron. Je vais entrer encore là-dedans en profondeur. Donc la nouvelle naissance, on n'est pas de nouveau en répétant une formule de prière. Ça n'a pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ça n'a jamais été de Dieu. Ça ne sera jamais de Dieu. Ce n'est pas biblique. Si vous prenez dans Acte chapitre 17, chapitre 19, la Bible déclare qu'on a pris l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, on l'a mis à l'aréophage pour dire, dites-nous, parce qu'il nous semble que tu annonces des choses là, dites-nous de quoi tu parles. Il l'a mis là-bas. Écoutez très bien. À partir du verset 24 de Acte des Apôtres là, du chapitre verset 24 de Acte apôtre chapitre 17, il a dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, étant le Seigneur de tous, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il a fait les hommes, il tournait parce qu'il savait que s'il disait résurrection, les Grecs devaient partir. Il a essayé de parler masqué. Il dit c'est la même chose qu'on dit, certains d'entre vous, un prophète, nous sommes de sa race. Étant donc de la race de Dieu, c'est la première fois qu'il en parlait, remarquez très bien son discours. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité est c'est une chose qui est sculptée par l'art ou l'industrie humaine. C'est Dieu-là donc a voulu donc que les gens sortant d'un même sang le cherchassent, habitant sur toute la terre, habitant, ayant déterminé les bonnes et les durées de chacun. Il a voulu qu'on le cherche par tâton. Voilà, n'est-ce pas? Maintenant, c'est Dieu-là, sans connaître un grand d'ignorance, annonce maintenant aux gens qui ont assez répandu, parce qu'il a fixé un jour de neuf ou juin, non pas un homme qui l'a ressuscité d'entre les morts. Ressuscité quoi? Ressuscité. La Bible dit que les gens, à partir de quand ils ont écouté résurrection là, ils ont dit, ok, on voit là où tu voulais venir. Donc il fallait nous dire ça depuis. Les gens sont partis. Frère, la Bible déclare que, cependant, quelques Grecs quoi? Crurent. Il a prêché, voilà les prédications qu'il a données. La Bible révèle que, cependant, quelques Grecs ont cru. À quoi? À ce que l'apôtre Paul a donné. Quand on dit qu'ils ont cru, ça suppose qu'ils sont nés de nouveau. Parce que la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui dit que, quand vous avez entendu ça, après que vous avez cru, vous avez été scellés. L'apôtre Pierre, lui, pendant, c'est pas ça, hein? Chez Corneille, il ne dit pas que le Dieu qui a créé le ciel et la terre étant le Seigneur de tous, comme les gens préparent les prédications ici, là. Il est entré là-bas, on a dit que, d'une, c'est que Dieu t'a appelé. Il reconnaît qu'en toute nation, si quelqu'un crée l'éternel, Dieu est avec lui. Ce Dieu m'a appris à ne pas regarder. En fait, le Dieu de nos pères, là, il a fait. Tous les prophètes de rang de lui, les témoignages, que quiconque croit, pendant qu'il passait, boum! Il s'est passé, il a dit que qu'est-ce qui se passe? Lui, il a observé, il a dit que, mettons, le baptême, baptisez-les. Ils sont nés de nouveau. Est-ce que la prédication de Paul, c'est la prédication de Pierre? Est-ce que la prédication de Pierre, Actes des apôtres, c'est la même prédication de Actes chapitre 10? Les gens, dans Actes chapitre 2, ont été nés de nouveau. Dans Actes chapitre 10, les trois personnes étaient nées de nouveau. Dans Actes chapitre 10, étaient nées de nouveau. On dit répéter les formules de prière, ou mieux encore, posons directement la question. Y a-t-il quelqu'un qui a répété une formule de prière pour naître de nouveau? Alors dis à ton voisin que, né de nouveau maintenant. Donc il faut que tu l'air avec que tu naisses de nouveau. Dis à ton voisin, l'air est arrivé où il faut que tu naisses de nouveau. Voilà. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un n'a pas le pouvoir pour naître de nouveau par lui-même. Personne. Même s'il voudrait que tu naisses de nouveau, je n'ai pas de possibilité. Parce qu'il ne détient pas la parole de vérité. Il dit que vous aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut. Oh, il prêche le salut. C'est pas la même chose qu'il prêche partout. C'est pas la même chose qu'il prêche. Donc, ça veut dire que quand il arrive, frère, voici le danger. Voilà le danger. Donc, si vous n'avez pas compris, comprenez donc ici. Voilà donc le danger d'être sous la coupe humaine. Parce que la coupe humaine va mettre des formules, des traditions pour pouvoir inculquer aux gens en croyant qu'ils sont sauvés, alors qu'ils ne sont pas. Maintenant, quand le Saint-Esprit, lui, il envoie, il a destiné une parole. L'apôtre Pierre était à Jopé. Quoi? Quand on a été à Césarée, 100 km les séparent. Il dit à l'ange, si envoie à Jopé, on appelle Philippe. Il va te dire les paroles par lesquelles... Oh frère, merci père. Le compte rendu de la Bible dit que il va te dire les pas. Oh frère, on est obligé d'aller dans la Bible. Donc permettez-moi qu'on sorte de Jacques maintenant, exceptionnellement. D'accord? Vous me permettez, frère? Je suis tout tremblant. Waouh, acte des apôtres. Waouh. Vous y êtes? Ok, donc allons au chapitre 11. Ça se trouve au chapitre 11. Donc, dans le chapitre 11, la chose c'est... Oh frère, c'est merveilleux dans les révélations bibliques. Dans le chapitre 10, on raconte l'histoire, n'est-ce pas? Puis au chapitre 11, quand l'apôtre Pierre va aller chez les frères, on va commencer à lui dire, maintenant, dis-nous, tu es entré chez les païens, tu as mangé avec eux, d'accord? Donc prenons ça à partir du verset 1 du chapitre 11 et on va trouver cela. Regardez bien. Verset 1 du chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Vous avez vu ça? Regardez, voilà le mot. Reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre... Oh mon Dieu, je ne veux pas m'éloigner de cela, mais permettez de passer. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. On dit quand ils vont d'une manière suivie, on dit qu'il a donné étape après étape. Maintenant, regardez. Alors, le verset 5, il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai. Et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Vous y êtes, frère? Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tu es et mange. Mais je dis, non, Seigneur, car jamais rien de souillé, ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi, se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'esprit me dit, ouais, c'est de façon suivie qu'il en est de raconter vraiment. L'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Maintenant, verset 11, verset 14, là, regarde, là, on se trouve là, regardez. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toutes, frère, fais-moi la Bible. C'est merveilleux, je vous dis. Donc, dans le ciel, Dieu a choisi les paroles de vérité pour la famille de Corneille. Voilà le compte rendu. Donc, c'est par les paroles qui devaient sortir de la bouche de Pierre que la famille de Corneille et lui-même devait être sauvé. Maintenant, frère, observez maintenant. Ah, c'est magnifique ça, c'est magnifique. J'aimerais parler de ces choses aussi pour longtemps, mais il faut que j'arrête là. Regardez. Pierre, si vous lisez le compte rendu, quand vous allez à la maison, lisez encore le chapitre 10. Quand Pierre va aller chez Corneille. Quand il va aller chez Corneille, il va dire que, ok, mais voici donc maintenant, dites-moi pourquoi vous m'avez fait appeler. Il dit, quand Pierre va entrer chez Corneille, il va demander à Corneille, ok, mais voici, je suis venu à l'invitation, comme vous m'avez fait appeler. Dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir. Et cette pièce, il dit que c'est l'esprit qui lui a dit que lève-toi pas. Ok, il demande à Corneille que, dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Corneille va se mettre encore à expliquer la vision là. Corneille a fini d'expliquer la vision, il dit à Pierre, ok, dis-moi ce que Dieu a dit, ordonné que tu nous dises. Donc ni Pierre, ni Corneille ne sont au courant de ce qui va se passer. Mais la Bible, le compte rendu du Saint-Esprit, c'est que cette, la parole qui va sortir va te sauver. Frère, c'est merveilleux. Quelqu'un dit la parole de vérité. Amen. Alors maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure ici que personne n'a la parole de vérité avec lui. Personne. La parole de vérité, c'est la parole que Dieu a destinée pour chaque personne pour le faire, pour l'engendrer. Amen. C'est-à-dire que si elle connaissait maintenant que en prêchant sur le maïs, et à un moment donné, je parle du savon, comment ça mousse, et, ou bien de l'huile, et que ça va faire naître quelqu'un, c'est qu'il y a des problèmes comme ça pour faire naître quelqu'un. Vous cessez, n'est-ce pas? Oh, c'est dans cette prédication que quelqu'un fait. Pierre, Paul, lui, a prêché à la repas sur les idoles et autres, là, sur les trucs là-bas, que Dieu n'avait vu dans les mêmes temples. Et là, finalement, on l'a chassé même là-bas. On dit que quelques personnes ont cru. Vous entendez ça, frère? Vous entendez, n'est-ce pas? Donc, la nouvelle naissance n'est pas une œuvre humaine. N'est pas une pensée de quelqu'un qui est en train de prêcher, ni de quelqu'un qui décide pour le faire. Donc, la vraie nouvelle naissance et la personne qui est en train de prêcher et la personne qui doit naître de nouveau ne sont pas au courant de ce qui va se passer. La nouvelle vie prend seulement en bras. Donc, faites ceci après moi. Ce n'est pas biblique. Dis à ton voisin, répète ceci après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Écris mon nom dans ton livre de vie. Ah, vous ne voulez pas répéter. Écris mon nom dans ton livre de vie. Oui, c'est même d'abord faux. Parce que le jour que tu as, ce n'est pas là où les noms sont écrits. Les noms sont écrits même avant que tu ne sois né. Dis la Bible. Mais le prédicateur le dit à la radio chaque jour. Écris mon nom. Si tu as fait cette prière avec foi dans ton cœur, comment tu vas avoir foi dans ton cœur pour que, tant que la parole n'est pas venue? Vous entendez ça, frère? Je vais encore recommencer par rapport à ces versets. Dans ce Romains chapitre 10, verset 17, la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans d'autres versions, c'est écrit la parole de Dieu. Maintenant, dans votre version française, c'est écrit la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Si vous regardez le grec, c'est écrit rhéma. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la parole livresque, ce n'est pas la lettre, ça doit être une révélation. C'est-à-dire que tu lis la Bible, tu lis ça, tu passes ton temps à lire, à écouter, à lire, à écouter, ça ne peut pas venir faire venir la foi. Jamais. Il faut que ce soit le... Parce que la parole, si vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, là-bas c'est logos. La parole, le mot parole, dans le grec qui est écrit dans ces Jean, Romains chapitre 10, verset 17, là-bas, c'est rhéma. Donc c'est différent de la lettre. C'est-à-dire que ce n'est pas en entendant la lettre que la foi vient. C'est que Dieu va inspirer quelque chose qu'on doit dire qui va percuter ton esprit pour te réveiller. C'est n'est-ce pas? Donc si la foi venait, c'est ce qu'on entend tout simplement et que c'était la livre, le livre. C'est que les CD audio là, de la Bible auront de grandes efficacités. C'est que quand tu mets ça, quand tu mets le volume, les gens ont la foi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. D'accord mes chers amis? Voilà. Alors, la nouvelle naissance, c'est une décision personnelle du Seigneur. Alors maintenant, si vous comprenez en ceci, vous allez commencer à comprendre beaucoup de choses dans la parole du Seigneur. tout ce que le Père m'a donné viendront. Vous avez entendu parler cela? Ok. Nul ne peut venir. Tu ne peux pas décider de venir si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc c'est l'œuvre du Père. Vous entendez? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Vous entendez ça, frère? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Écoutez ça. Écoutez encore ça. Écoutez la parole du Seigneur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Aujourd'hui, les chrétiens disent quoi? J'ai choisi de donner ma vie à Jésus. Jésus qui dit que non, ce n'est pas toi qui m'as choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Frère, c'est quoi que j'ai des Bibles? Quel genre de religion on a aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Donc, le simple bon sens dans la parole montre que 99% des chrétiens sont en destination de l'enfer parce qu'ils ne sont pas engendrés selon la parole. Alors maintenant, la Bible nous étonne en disant que, alors maintenant, si comment quelqu'un va-t-il croire dans Romains chapitre 10, le verset 14 en descendant? Il dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Donc pour que quelqu'un puisse croire, pour que la parole de vérité puisse venir, il faut que quelqu'un soit sur la scène pour le faire, pour prêcher. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un canal où Dieu va transmettre cela, pas vrai? Ok, maintenant. Il dit, comment y aura-t-il quelqu'un qui prêche s'ils ne sont pas envoyés? Oui, vous y êtes frère. Frère, parents, ne dormez pas. C'est important là maintenant pour le salut de nos âmes. Romains chapitre 10, verset 14, dit ici. Souvenez, ça commence par le verset 9 en disant que si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, et c'est le verset qui se dit justement, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, comment tu vas croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts s'il ne t'est pas révélé ça? Comment tu vas parvenir à croire? Les gens voient le film du Jésus qui est de Nazareth, comme celui-là, il a cru, ça l'a troublé. Il a dit que comment Jésus est plus de blanc? Voilà, c'est pas qu'il a vu dedans. Alors maintenant, si Jésus ne se révèle pas à toi qu'il est ressuscité, frère, monte, tu te sens, tu ne peux pas croire. Tu vas avoir les informations selon ce qu'on t'a dit. Le jour où un franc-maçon te prend, il te montre qu'il a eu des enfants avec Marie de Magdala, tu commences à avoir des doutes par rapport à ta foi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas bâti sur le roc. La révélation. Vous entendez cela, n'est-ce pas, frère? Alors maintenant, dans Romains chapitre 10, verset 13 dit que car il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous y êtes? On va parler de ces sauver là, c'est pour ça que vous avez parlé. Il y a un problème avec le salut, le sauver que les gens racontent là. Maintenant, après au verset 14, il dit que dans ce cas, pour être sauvé. En fait, si vous voulez prenez le verset du 14 à remonter, vous allez voir maintenant la chose clairement. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous suivez le film, vous pouvez faire le revient. Vous, les gens reviennent comme ça, n'est-ce pas? Prenez le verset 14, lisez à remonter, vous allez voir encore la chose que j'en ai dit. Verset 9, il dit que si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et que tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Chapitre 12 de 1 Corinthiens dit clairement que nul ne peut confesser ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, seul le né de nouveau qui confesse sa frère. Que Jésus est Seigneur. C'est pas l'Esprit que ça doit être. Ok. Maintenant, il dit que, dans ce cas, comment invoqueront-ils? Comment quelqu'un peut invoquer quelqu'un? Sinon, s'il ne croit pas, comment ils peuvent invoquer? Ouais, n'est-ce pas? Il dit, et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Parce qu'il faut qu'on prêche pour que tu crois. Il dit, ok. Et comment quelqu'un va prêcher s'ils ne sont pas d'abord envoyés? Les implications sont terribles par rapport à l'école de théologie, l'école de pastorale. Voici l'implication. Si c'est l'école pastorale qui envoie, les gens qui entendent vont entendre la mauvaise personne, par conséquent, il y aura une mauvaise semence, donc il n'y aura pas une nouvelle naissance, il ne peut pas invoquer bien la personne. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Il dit, ils ne sont pas envoyés. S'ils ne sont pas envoyés, oh frère, qui envoie? C'est pour cela qu'il faut qu'on prête attention et qu'on vérifie si oui ou non Dieu nous a appelés à faire la tâche que nous sommes en train de faire. C'est très important. Sinon, nous sommes en train de faire le mal à l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de faire donc les prosélytes. Nous sommes en train de faire quoi? Les prosélytes. C'est-à-dire que nous convertissons, nous disons que non, je suis devenu chrétien. C'est pour ça que vous voyez comment là dans les dimensions, on fait tout pour suivre les gens. Que ne pêche plus, ne fait plus tes choses. Le jour qu'on te voit avec l'alcool, tu dis hé hé. La personne boit son alcool, il fuit partout là-bas. Quand il la boit, il fuit les frères. Pourquoi? Il fait tout et tout pour. Voilà quand vous avez dit que quelqu'un, les gens croient qu'il croit. Il fait tout et tout pour ne plus faire cela. On essaie pour faire être chrétien. Dis à ton voisin, n'essaie pas d'être chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. Imaginez un peu que la poule, une poule arrive en bordure de mer et dit que quoi, quoi, quoi, on était chichi, tu commences à faire quoi, quoi, quoi. Qu'il fasse un quoi, quoi, quoi. Le problème, c'est qu'il traverse ça. Pas vrai? Il ne peut pas faire quoi, quoi, quoi. Les palmes sont frères. Le courant donc vont lui rappeler qu'il est un oiseau ordinaire comme les autres et qu'il peut se noyer. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, les tests des chrétiens vont chasser ces styles de chrétiens. Alors, comprenez ces choses. Quand vous entrez dans les révélations des Écritures, comprenez ces choses. Quelqu'un s'éloigne, vous laissez seulement tranquille. Ils sont sortis du milieu de nous. Cela est arrivé afin que tous se soient manifestés, que tous n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eût été des nôtres, ils seraient restés. C'est ça, n'est-ce pas? Vous comprenez? Alors, frère, déjà les choses, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Depuis ma soeur, il ne te voit pas, ça n'a pas de sens. Parce que si tu as cru de la bonne façon, celui qui t'a engendré garde ton dépôt. Vous saisissez, frère? Vous saisissez ça? Ok. Les quatre bénédictions. Alors, comment on va faire pour que tu sois chrétien, que tu deviennes permanent chrétien, tu donnes des postes à l'église? Faut que on s'assure que tu es batteur. Tu bats chaque fois, que tu es là quelque part. Pour, c'est toi qui arrange les chaises, c'est toi qui fais entrer les gens. Parce que pourquoi tu sois là? Pourquoi tu sois reçu que tu sois là? Même comme tu es là comme ça, la fornication va te tuer à l'intérieur. Ah, mes soeurs, mes frères, ne me faites pas parler des choses. Mais de toute façon, je vais vous montrer le mal qui a l'œuvre. Parce que chaque fois que vous entendez dans les radios et dans différents médias, je suis en train de parler contre l'école théologique, les gens ont l'impression qu'on est seulement jaloux. Parce que ça fait, c'est la source du mal dans la vie chrétienne ici. Il dit bien l'école de théologie. On prend 400 pasteurs, on le forme. Quand les gens veulent donner leur vie, la nouvelle naissance, c'est que tu crois, tu es baptisé dans l'eau et tu es né de nouveau. C'est ce que la Bible enseigne. Il dit qu'il nous a engendré par sa parole, il n'a pas dit que par le plongeon dans l'eau. Il nous a engendré. La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui revivifie ton esprit. Vous entendez ça, n'est-ce pas, frère? Et pour que ça vienne de cette façon-là, c'est la parole des vérités. Comme le Saint-Esprit a dit ici à l'apôtre Paul, dans ce livre-ci, qu'il te dira les paroles par lesquelles. C'est au travers de ces paroles-là qui va sortir de sa bouche que tu seras sauvé. Oh frère, c'est merveilleux. Il te dira les paroles en écoutant. Tu seras sauvé. Il a écouté. Quand on n'a même pas le temps de dire que mince, c'est Jésus-là, je crois en lui. Hein. Ça s'est passé en lui. Donc Dieu décide sans l'intervention de Pierre, sans l'intervention de des collègues de sa famille, il constate seulement l'engendrement. Est-ce que vous saisissez? Vous me saisissez, frère? Donc je suis désolé si tu es né de nouveau de cette façon-là, tu n'es pas né de nouveau. Oui. C'est-à-dire que si on a dit que viens après moi, répète cette prière, si tu as fait ça, tu crois que tu es né de nouveau, oublie ça, tu n'es pas encore né de nouveau. C'est pas possible. Il y avait une femme avec qui habitait à côté de la maison, chaque fois il y a une émission solution où chaque mercredi, elle naissait de nouveau. Il dit chaque mercredi. Et c'est-à-dire qu'elle écoute une émission mercredi soir. On dit que si tu, pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, tu veux naître de nouveau, donne cette voix-ci avec moi. Il a dit, Seigneur Jésus, oh, Jésus qui parcourait la Galilée. Il est même hier aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus ce soir. Tu entends dans sa fenêtre, Seigneur, te donne ma vie. Écoutez bien aimé. La rediffusion de cette émission-là par samedi, elle donne encore sa vie à Jésus. Il dit la rediffusion qu'elle a écoutée pour accepter Jésus là. Ça donne samedi, elle donne sa vie à Jésus. Une autre émission encore, ça rate, on rediffuse cette émission, elle donne encore sa vie à Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, maintenant, est-ce que, comprenant cette petite chose de 18, si ce soir, si vous comprenez pourquoi les écoles bibliques sont anti-bibliques, vous comprenez pourquoi les écoles bibliques, les formations pastorales sont anti-bibliques, donc ça dit que les grands pasteurs qui font le pasteur arrêtent la Bible comme ça, cette Bible, c'est les condamne. Ils forment donc les fous. Donc, c'est pour ça qu'il dit que les écoles bibliques, c'est une école d'asile des fous, pour former les fous, pour les relâcher dans la nature, pour qu'ils persécutent, puis ils perpétuent leur folie. Ils forment des générations engendrées de fous. Vous comprenez ça, frère? Donc, au fur et à mesure, quand on est dans ces milieux, vous allez commencer à comprendre ces choses-là. Regardez là, regardez. Vous allez comprendre plus ces choses-là, comment se dévoiler dans les Écritures. Il dit, comment donc croiront-ils, sinon pas en celui qui n'ont pas entendu parler? Donc, tu dois croire en quelqu'un à qui on t'a prêché. Et ce n'est pas n'importe qui doit le prêcher, c'est pas n'importe qui. Il dit que, et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? C'est pas n'importe qui doit prêcher. Il dit que, et c'est comment prêcheront-ils? Y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Or, qui envoie? Le Seigneur. Alors la question maintenant c'est, ceux qui prêchent, Dieu les a-t-il commissionnés? Là est la question. Là est la. Alors maintenant, la Bible déclare donc que ceux qui sont des dieux annoncent la parole de Dieu. Alors maintenant, si donc annoncent ces choses-là, ils font mettre de nouveau entre guillemets. Les gens de cette façon-ci, sont-ils envoyés de Dieu? Alors il y a un problème. Où est-ce que vous étiez, mes chers amis? Vous comprenez pourquoi tout à l'heure, ici au départ, j'étais en train de dire que rendez grâce à Dieu pour le fait qu'on soit à ce niveau, c'est pas vrai? Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi c'est sorti ainsi, n'est-ce pas? Il faut qu'on rende grâce à Dieu parce que Dieu est en train de faire une nouvelle. Il se ferait un chemin au milieu de la religion et des traditions humaines pour se faire un peuple qui lui appartient. D'accord? Cette religion-là fait tant qu'il y a des mamans qui viennent me voir que, pardon, j'ai ma soeur là, mon frère qui est malade, pardon, il va prier. Il vient, quand il le regarde, il dit. Maman, tu n'as pas de problème avec le Seigneur. Après, il ne sait pas. Oui, la personne dit à moi que fais qu'il confesse Christ. Fais qu'il confesse Christ. Il dit, maman, il ne sait pas comment faire, on confesse Christ. Il dit qu'il faut qu'il confesse Christ. C'est-à-dire qu'il vient dire que confesse Christ. Confesse Christ, je confesse Christ. On fait confesse comment que Seigneur, c'est pas ça. Tu te souviens, n'est-ce pas, frère Achille? Que confesse Christ, j'ai pas fait ça. Parce que c'est pas biblique. Parce que c'est pas biblique. Si tu confesses Christ, tu vas le faire chrétien de ta manière. Après, tu vas dire que n'est pas plus en bas du lit. Non, ne fais plus ça. Quand le Seigneur Jésus a fait naître de nouveau l'aîné éthiopien. Il a enlevé Philippe là-bas. Philippe n'a pas donné le cadre de baptême, le cadre d'affiliation de l'église de Jérusalem, jamais. Il est allé. La Bible déclare que l'aîné éthiopien a continué sa vie, son chemin avec joie et joie, tout joyeux, n'est-ce pas? Ça dit que quand il continuait comme ça, il était né de nouveau et il voyait les choses nouvellement. Et remarquez très bien, écoutez bien ceci. Si on vous a enseigné que les gens, quelqu'un peut perdre son salut, ça suppose donc que quelqu'un qui est né de nouveau peut renaître de nouveau, encore de nouveau. Vous me saisissez? Si Dieu te donne son Saint-Esprit, peux-tu l'enlever? Non. Ok. L'autre question. Quelqu'un peut-il aller en enfer avec le Saint-Esprit en lui? Non. C'est qu'il y a un problème là avec les évangiles aujourd'hui. Je recommence encore. Si ce frère, c'est le Saint-Esprit habitant en lui. J'ai comment tu dis ici? Attends, toi, frère. J'ai comment tu dis ici? Ok, donc il dit que le frère a le Saint-Esprit. Donc il n'est pas parlé avec le conditionnel. Donc le frère, c'est en son, a le Saint-Esprit habitant en lui. Il n'est pas son Saint-Esprit, d'accord? Donc, il pense souvent selon sa déclaration. Il a le Saint-Esprit habitant en lui. Je vais corriger quelque chose encore là maintenant. Ce frère-ci, peut-il aller en enfer avec le Saint-Esprit? Non. S'il fait quelque chose, Dieu peut-il retirer son Saint-Esprit en lui? S'il ne peut pas aller en enfer avec son Saint-Esprit, et puis il ne peut non plus retirer. Définitivement, il ne peut pas aller en enfer. Donc, il n'y a pas cette histoire de perte de salut. D'où est-ce que ça sort tout ça? Parce qu'on ne peut arriver au niveau de la révélation de la parole. Non, il est impossible que ceux qui ont cru qu'ils aussi ceux qui sont tenus soient devant la main en repentant. C'est une autre chose là maintenant. Il sait ce qui se passe dans vos versets. Ne vous inquiétez pas tout simplement. On va arriver, on va en parler. Je connais mes brebis. Quelqu'un dit, Christ a dit qu'il connaît ses brebis. Et il a dit qu'aucune des brebis ne se perdra. Est-ce le Seigneur qui a dit cela? Ok. Donc ça veut dire que si Dieu t'a connu d'avance, il t'a connu d'avance pour que tu ne pas en enfer. Ça peut choquer. Mais si tu es sauvé, écoutez très bien là maintenant. Écoutez très bien. Si tu es sauvé de la parole de Dieu, tu es sauvé définitivement. C'est pour toujours, c'est absolument éternel. C'est ainsi par la parole. Il nous a engendrés selon sa volonté. Or, il dit, la volonté de Dieu, c'est que je ne perde aucune de ces brebis qu'il m'a données. Quelque chose peut-il résister à sa volonté, donc sa volonté va s'accomplir. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Dis à ton voisin, on nous a torturé les ménages. Que le Saint-Esprit arrange nos câbles spirituels. Voilà. Donc il dit donc, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est ce que le verset 18 dit en finissant. Il parle maintenant du premier groupe maintenant qui est passé par la nouvelle naissance après l'an 30, là, l'an 33. Donc ils étaient les prémices pour que Dieu, parce que c'est la même façon que Dieu. Autrement dit, il veut dire que quand il dit que nous sommes les prémices, ça veut dire que les fruits qui vont suivre, c'est de la même façon. Les prémices, quand la période de mangue ça arrive, les premiers mangues qui sortent, les autres qui vont sortir par la suite, c'est toujours les mêmes mangues, même façon. Sortiront des mêmes arbres. Alléluia. Il dit, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa création, la nouvelle création dont on parle, du nouveau groupement que Dieu a laissé frayer sur la terre. Ils sont nés de nouveau selon la parole. Donc si quelqu'un a dit qu'il est né de nouveau autrement, il est un menteur. Vous n'êtes pas né de nouveau. Donc, j'incite votre sainte intelligence afin que vous sachiez que peut-être vous croyez que vous êtes chrétien, que vous ne l'êtes pas. Ne me pose pas la question comment faire pour devenir chrétien, parce qu'il a dit que c'est selon sa volonté. Ne crois pas que j'ai une formule ce soir pour te faire pour que tu deviennes un vrai chrétien. J'ai dit que n'essaye pas de le devenir. Si tu n'es pas de Dieu, quitte seulement. Ou bien tu restes au milieu comme Judas a signé, après tu allais en ton lieu. C'est simple, c'est tout ce qu'il peut dire. Si tu es de la vérité, cette parole, c'est chaque mot, va s'adresser directement à ton âme. Si tu es de la vérité, chaque parole de Dieu, tu comprends que c'est ton père. Si tu entends la voix de ton père parler en ton âme, je sais ta parole dans mon cœur. On ne sait pas comme ça, comme je l'ai dit là. C'est pas comme ça qu'on sait. Je sais ta parole, c'est que ça n'entre pas comme ça là. De peur de pécher contre toi. Donc, frère, je n'ai pas le pouvoir de faire naître de nouveau. Il n'y a pas de formule pour faire naître de nouveau. Si quelqu'un a donné une formule pour faire naître de nouveau, il y a un problème. Il faut la repentance. Et maintenant, si cette personne l'a fait, vous pensez qu'un pasteur qui est sorti d'une grande institution biblique, s'il le fait, vous pensez qu'il a appris ça où? On lui a appris ça. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a trompé. Donc, on trompe, on forme les gens dans les enclos pour les tromper, pour qu'ils partent faire quoi? Tromper. Et si on te trompe, tu es où? Dis à ton voisin, garde ton âme. Garde ton âme. Garde ton âme. Garde ton âme. Ton âme est le sujet de discussion. Ton âme est le sujet de discussion. entre Dieu et Satan. Mais si tu appartiens à Satan, tu y iras. Si tu es de chez Dieu, il ne peut pas te laisser. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas en lisant la Bible. Ce n'est pas en acceptant Christ plus être baptisé d'eau. Ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, c'est qu'une parole sorte du ciel pour toi et recrée ton esprit. On appelle donc ça la parole de vérité. Allons un peu dans 1 Pierre, voilà. 1 Pierre toujours après Jacques là. Vous voyez, j'ai bien dit que je n'ai pas quitté Jacques là aujourd'hui, mais ça m'a entraîné quand même. Vous y êtes. Regardez bien. Vous allez monter dans la Bible, descendre n'importe comment vous pouvez faire autrement. Regardez. Regardez. 1 Pierre chapitre 1. Je vais lire verset 23, verset 25. Regardez. Regardez. Puisque vous avez été quoi? Régénéré. Vous avez encore vu le même mot, non? Et en fait, ici, il parle de régénérer. Jacques avait parlé de engendrer. Regardez. Il dit, puisque vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Dans l'autre nom des paroles de vérité, c'est parole vivante. Pas juste par la lettre. Parole vivante et permanente de Dieu. Regardez bien. Car toute chair est comme l'herbe. Non. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure. Il dit, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par... C'est ça qui fait l'aide de nous. Donc, on prend n'importe quoi dans l'évangile. On peut être en train de t'expliquer cela. La parole de vérité, c'est au milieu. Ta part de parole de vérité, c'est au... Alors, où est mes chers amis? Connais-tu sur les quatre lois spirituelles? Est-ce que tu connais les quatre lois spirituelles? Si tu ne connais pas les quatre lois spirituelles, est-ce que tu es mort spirituellement? Non, mais même si tu connaissais cela, peut-être tu peux revivre spirituellement. Même si tu les connais, peux-tu revivre spirituellement? Oui. Oh, la vie éternelle, ça c'est terminé, je vois maintenant. Oh, Jean 17, 3 dit que la vie éternelle, c'est qu'ils apprennent à te connaître. Et à croire à celui qui apprend. Donc, tu t'assois que tu apprends à connaître Dieu. Comme ça, tu vas avoir la vie éternelle. Ah bon, on entre chez toi. C'est quand c'est vraiment la Bible. Connais-tu le nom de Dieu? Dieu a un nom. Aimerais-tu qu'on te connaisse? Si tu l'appelles par exemple, on t'appelle Pierre. N'est-ce pas? Tu aimerais qu'on t'appelle pas ton vrai nom? Oui, tu le vois venir, n'est-ce pas? Oui. Alors, de la même façon, Dieu a un nom. Il s'appelle Jéhovah. C'est pour ça que nous sommes fiers de pouvoir avoir ce nom. Tu finis de connaître ça, tu n'es pas né de nouveau. C'est-à-dire quoi? Toute la connaissance que tu pourras avoir de la Bible ne peut pas te faire naître de nouveau. C'est grave. N'est-ce pas, mes chers? Donc, finissons quand même le chapitre 1 au moins, non? Donc, nous sommes en train de voir là l'étude de l'épître du frère Jacques. C'est ça qui nous a conduit comme ça. Finissons au moins le chapitre 1, parce que vous me dites déjà qu'il faut que j'arrête. Nous sommes au verset 18, c'est le verset 18 qui nous a entonné comme ça. Regardez. Il y a encore, un petit quoi à corriger par rapport aux doctrines dans ce chapitre 18, dans ce verset 18. Regardez, je vais encore relire cela. Il nous a engendré selon sa volonté. On a compris cela. Par la parole de vérité, nous devons entendre cela. Afin que le but pour lequel il nous a engendré, c'est afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ces... Arrêtons-nous là-bas. Lorsque... Écoutez bien, observez ici. Lorsque... Oh mon Dieu. Avant d'avancer cela, je vais dire. Vous savez, dans la loi d'une nation, supposons que tu ne sois pas policier et que ton frère est policier, tu portes sa tenue. Tu vas arrêter, stop. Si on t'arrête, on va t'arrêter. Pourquoi? Voilà. Donc tu as usurpé une position. Tu prends une chose, un attribut que tu ne possèdes pas, n'est-ce pas? Lorsqu'il explique quelque chose, il comprend vraiment que 90% des chrétiens, entre guillemets, usurpent. On y va? Ok. Il dit donc que il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité. Afin. Il a fait ça afin. Afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ces créatures. Il parle de leur premier groupe. Du premier groupe des gens qui sont venus en premier lieu à Jérusalem. Donc c'était les prémices. Donc c'était le premier fruit qui devait produire l'arbre, le même arbre là devait produire tout autre fruit. Après cela, n'est-ce pas? Ok. Il dit qu'ils étaient les premiers de ces créatures. Oh, mais regardez bien maintenant. Dieu a parlé du premier de ces créatures. Pourtant, la création s'est passée depuis la Genèse. Donc il a parlé de la nouvelle création, n'est-ce pas? Donc il a parlé de la nouvelle. Ok, maintenant, parce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17 que beaucoup de chrétiens connaissent. Si quelqu'un est en Christ, il est une. C'est ça dont tu as déjà parlé. Donc, ceci n'est vrai que pour les nés de nouveau. Donc, frère, c'est uniquement ceux qui sont engendrés selon la parole de vérité qui peuvent dire qu'ils sont une nouvelle créature. Combien parmi nous avons prêché, avons dit, je suis en Christ, toutes les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais la réalité dit autre chose. Toutes choses sont devenues nouvelles, mais les anciennes méthodes sont encore avec nous. Toutes choses sont devenues nouvelles pour ton plan. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous entendez ça, mes frères, mes frères? Il dit que si quelqu'un est en Christ, regardez bien, si quelqu'un est en Christ, en, à l'intérieur, plongé dans Christ. Christ, ça veut dire quoi? L'esprit. Nous avons été engendrés, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, le corps de Christ. On est à l'intérieur. Les gens qui sont à l'intérieur vont confesser pour ceux qui sont à l'intérieur. Nous sommes en Christ. Tu es en Christ. Tu es en Christ comment? Il donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ça montre qu'il est à l'extérieur. Écoutez-moi très bien. La sincérité, la longueur de temps que tu as duré dans cette sincérité ne fera pas que tu sois né de nouveau en tout temps. Tu dois naître de nouveau de la bonne manière. Donc tu peux être sincère. Le fait, c'est que c'est à l'avantage de Satan qui te laisse croire que tu es né de nouveau. Souvenez-vous de cela. C'est à son avantage. Parce que le jour qu'on va faire boum, la loi va arrêter une partie. Il va dire, tu disais quoi? Que Satan n'a pas fait à Macham. Et tu vas savoir ce qu'il faut Macham là maintenant. Donc ne vous y trompez pas. Il faut qu'on naisse de nouveau. Il faut qu'on naisse de nouveau. Le Seigneur a dit ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et on peut voir la chair, comment ça se passe, qu'on fait comme ça, après 9 mois, on fait comme ça, on fait comme ça, c'est la chair. Il dit que pour l'esprit, c'est comme le vent. Tu ne connais pas, tu vois seulement ses effets. Donc l'effet que ça manifeste montre si oui ou non c'est né de nouveau. Alors observez vos vies. Comment avez-vous été engendré? Faisons-nous les efforts pour être chrétien. Ce sont des signes. Verset 19 maintenant, j'avance. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler. Lent à se mettre. Il mérite bien qu'on parle par rapport à cela. Donc on va s'arrêter sur ce verset 19, parce qu'on peut finir avec le verset 12. Parce que si le maire explique encore, on va aller à Ephésiens ainsi de suite. Donc permettez qu'on arrête au verset 18. Donc Jacques. L'étude de Jacques nous a conduit au chapitre 1, dans le chapitre 1, verset 1 au verset 18, d'accord? Retournons sur ça. Dans la deuxième partie, nous allons continuer à partir du verset 19. Nous allons continuer au verset 19 et puis nous allons voir là où le Seigneur va nous conduire. D'accord, bien aimé? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Sa parole est vivante. Sa parole est vérité. Personne ne peut amener les contestations dans sa parole. Il a dit dans sa parole, ça règle le problème. Même si on est fâché, ça montre de la sémence dans où nous sommes. Pas vrai? N'est-ce pas, frère? Si quelqu'un est fâché, ça démontre encore davantage là où il est, n'est-ce pas? Absolument, pas vrai? na kangama kina banzanda bipeko wana pamba lelo masi ya bikisima